pas pépé dans un coin. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Critique-moi si tu peux, avec la bande habituelle, Arnaud. Bonsoir. Ça va ? Super bien. Eh ouais. Pierre. Bonsoir. Une voix, on sent qu'on va passer une petite voix suave. Grosse soirée, ou pas. Une voix de radio, on appelle ça. Antoine. Eh ben bonsoir. Et Sylvia. Hello. Oh, ça c'est un petit hello, ça sent pas le grand film. Bah, c'est Antoine qui l'a choisi. Hein. Eh oui, alors nouvel épisode, toujours avec notre épisode de Friends qui est tiré au sort par Google et qui nous donne un titre. Et le titre de l'épisode de Friends, c'était celui qui jouait le rôle de père. Et pour répondre à cette problématique, Antoine nous a choisi un film assez récent, c'est rare, on est presque d'actualité, L'origine du mal. Alors, Antoine, quelques mots, pourquoi as-tu choisi ce film ? Moi, j'aime bien quand je dois choisir un film, essayer de trouver un film français, parce que sinon, je trouve qu'on parle toujours de... On est quatre, mais je suis souvent le seul à choisir des films français, donc j'ai cette petite contrainte en plus. Enfin, tu te mets cette contrainte ? Tout à fait, tout à fait. À la première réflexion, j'avais d'autres films qui me venaient à l'esprit. J'avais pensé, tout d'abord, je pense, qui va mettre tout le monde d'accord. Bon, ça aurait été mon choix si jamais j'avais pas trouvé, qui était Un monde parfait avec Clint Eastwood. Je sais pas si vous l'avez deux, vu. Deux, ouais, avec Kevin Costner. En version française. Enfin, deux, ouais, c'est ça. Deux, ouais, c'est ça. Plutôt. C'était si jamais j'avais pas d'autres films, j'aurais choisi celui-là. Mais donc, tu avais un autre film. Bah, si tu veux, c'était trop facile. Je savais que j'avais une probabilité de faire l'unanimité avec ce film, même si je l'ai pas revu. En fait, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, mais bon, qui à chaque fois qu'on en parle, qu'on l'évoque, ce film, il y a toujours ouais, son côté pro-américain. La scène de l'arbre. Il y a toujours un bon retour. Donc, j'avais aussi pensé, mais on en avait déjà parlé une fois dans un autre podcast, à Cinéma Paradiso, avec le petit enfant qui se lie d'amitié avec Philippe Noiret. Mais bon. Voilà, comme on en avait déjà parlé, j'avais pas envie. J'avais pensé aussi à L'ours de Jean-Jacques Hano. Je trouvais que c'était pas mal de le faire dans le côté animal, avec ce petit ourson là qui se lie avec le. Sauf que c'est une mère, non ? L'ours. Je sais pas. Je crois que c'est une mère, mais bon. J'ai juste une parenthèse avant que j'oublie, c'est important de préciser sur L'ours. C'est que le cinéma Le Cap de Vorep va organiser, pendant les vacances de la Toussaint, un ciné-concert avec le film L'ours, une création du groupe The French Bastard. Et joue quel instrument, l'ours, du coup ? L'instrument, l'ours du violon. Ah c'est oui. Gugus avec le violon. Violon, c'est bien connu. Ah oui, bah oui. Voilà, donc un gros travail parce qu'ils vont aussi prendre la bande-son du film, la réenregistrer, enfin juste les dialogues, après rejouer en direct par-dessus. En fait, on est comme YouTube. C'est quand ça ? Notre podcast, c'est comme YouTube. C'est-à-dire que t'as une pub, t'es en plein milieu d'une phrase. Exactement. Et hop, y a une pub qui s'en fait. Le cinéma de Vorep. Attends, je clique sur passer l'annonce. Et en verlan, ça fait le cinéma de vos pères, en fait, le cinéma de Vorep. Ignorer l'annonce. Non, mais c'était. Pour ceux qui veulent le revoir, l'ours, effectivement. Et très bon film. Mais bon, je crois que c'est une mère, hein. Passons. Une mère, bon, de toute façon, comme je ne l'ai pas choisi, la question se pose. Parce qu'après, est-ce que le podcast aurait pu être critiqué de transgenre au niveau des animaux ? Ouais. Là, alors soit on fait le buzz et on devient le podcast le plus écouté dans le monde, soit on a un procès. C'est qui tout double ? Si j'avais pensé à Creed, à la saga Creed, ah oui. Où le boxeur, là, le gamin qui se lie un peu d'amitié avec Stallone. Mais bon, ça, c'est pas mon cinéma, donc je me suis dit, si un jour ce film, on doit en parler, je laisserai les autres le placer. Mais par contre, ça serait à un moment, est-ce que tu vas arriver sur le film que tu as choisi ou pas ? Oui, non, mais j'énumère tous ceux au quoi vous auriez pu... Non, mais Procrastine, ça te va très très bien. C'est... Prends ton temps. En fait, c'était tous des bons films. Alors, je vais peut-être reposer ma question, parce que je pense qu'il y a de la friture sur la ligne. Pourquoi as-tu choisi L'origine du mal ? Ah, L'origine, c'est... Alors, après, pourquoi L'origine du mal ? Parce que, voilà, c'est... Moi, le film, la première fois que je l'ai vu, m'a plu. Et en plus, comme je le recommandais dans l'épisode précédent, je me dis, tiens, ça fait un autre... Une continuité. En fait, tu fais le Marvel Universe. Ça fait une continuité, voilà. En fait... c'était, en plus, c'était l'occasion, je me dis, bon, c'est un film ouais, alors, récent, qui est peut-être un ou deux ans, déjà. 2022, ouais. Et au final, sur nous cinq, on était deux à l'avoir vu. Mmh. Donc je me dis, bon, s'il y en a trois qui peuvent le découvrir, au lieu de mettre des films qu'on a déjà tous vus, si on peut faire découvrir quelque chose, pourquoi pas. Non, mais ce qu'il nous a pas dit, Antoine, c'est qu'il aime Laure Calmy, et donc qui est l'actrice principale mais en du plus, c'est film. Ça, non, mais c'est ça, du film. Voilà. J'étais dans un cycle Laure Calmy, donc je lui fais, allez, tiens, on parle pas assez de Laure Calmy. Enfin bon, donc un film de Sébastien Marnier, on l'a pas dit, donc avec Laure Calmy, Doria Attillier, notamment. Qui avait fait quoi comme film avant ? Il avait fait quoi déjà ? Ah, il avait fait l'heure de la sortie. Ah, très bien, l'heure de la sortie. Ouais. Et irréprochable. Ah, ah oui, avec Foy. Marina Foy. Ouais, alors il paraît Royce. Que j'ai regardé. J'ai un peu cherché les critiques. Il paraît que ces deux premiers films sont vraiment bons. L'heure de la sortie, c'est vraiment bien. C'est ouais, un peu anticipation, puis... mais alors, c'est bien. Alors, la question, vu que c'est un film récent, va peut-être pas le spoiler, ou en tout cas, on en parlera à la fin, peut-être, du spoil. Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange qu'on parle pas de la fin. Non, bon, bah d'accord, on pourra le spoiler. Bon, bah voilà. Si j'avais pas voulu le spoiler, je l'aurais même pas proposé au podcast. Parce que de par le je thème... Je pense que tu peux raconter le thème sans spoiler le film. Je vous propose que dans un premier temps, on spoil pas. Les 10 dernières minutes. Il y a pas grand-chose à spoiler dans ce film. Hein. Si, il y a quand même deux twists. Non, mais sur Wikipédia, elle l'a pas lu parce que c'était pas écrit ce twist. Donc toi, tu sais pas finalement de quoi on parle, le twist. C'est vrai que Wikipédia, la page était incomplète. Non, mais même si ça m'ennuie de les voir sur écran ou sur télé, je les regarde, les films. Alors, juste si on peut. Je les vis, en alors, fait. Antoine, est-ce que tu veux pitcher? Mais en gros. Je vais parler par le nom des acteurs, des actrices, parce que moi, les personnages, je connais pas leur nom. C'est très judicieux de ta part. Donc, en fait, Laure Calmi, qui travaille à l'usine. Elle emballe les poissons. Dans une conserverie, elle travaille. Au début du film, donc, elle reprend contact. Comment il s'appelle? Jacques Weber. C'est aussi pour ça que j'ai vu le film, parce que après avoir vu la saison 2 dans Thérapie, c'est un acteur que je trouvais plutôt bien dans cette série. Et donc, qui se fait passer en fait pour le dire, je suis ta fille, ah bah oui, bah moi je suis ton père. Et il renoue contact en fait. Il aurait abandonné sa mère à la naissance, plus ou moins, de ce qu'on comprend dans le film. Et donc lui, il a refait sa vie. Donc c'est un homme d'affaires avec un empire financier. Donc il habite sur une île dans le sud de la France. On ne sait pas si c'est dans le sud de la France. Si, c'est dans le sud. C'est ailleurs. Pas très loin du fort de Brigançon, d'ailleurs. Ouais. Et en parallèle, elle va aussi rendre visite donc, à sa copine, qui est jouée par Suzanne Clément, qui est à la prison de Toulon. Donc, ça m'étonnerait que ce soit, toi, je pense que ça reste dans le coin. Et forcément, cette fille qui arrive est vue comme une intrus, parce qu'il y a de l'argent. Et il y a tout un rapport de classe, parce qu'elle arrive dans un univers qui n'est pas le sien, alors qu'elle a mis. Le film dure 2 heures, et dans la première partie, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment sa fille, si c'est vraiment son père. Et au bout d'une heure, la question est répondue, en fait. Une scène qui se passe entre Suzanne Clément et Laure Calmi fait comprendre qu'en fait, il y a une usurpation d'identité. On avait dit on spoil le plan. Là, on est d'accord que le spoiler, c'est bon, là. Parce que t'avais pas compris dans le mot spoiler, quoi. Non, mais par contre, après, parce que c'est là où c'est un peu comme à couteau tiré, où rapidement dans le film, on connaissait en fait la façon dont avait été tuée la personne. Là, on sait qui usurpe qui. Sauf que le film, après, dans un deuxième temps, ce qui est des fois difficile dans les films de rebondir, en fait, moi je sais que c'est souvent des trucs qui me font sortir du film, où il y a un autre twist, il y a d'autres révélations qui sont faites, et jusqu'au dernier moment du film, et ça, je pense qu'on peut ne pas le. Peut-être pas trop en dire. Voilà, il y a tout un rapport de force, de classe. Donc moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais bien aimé. Je trouvais que Laure Calmi, qui est une personne, quand on regarde... alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent par 10%, où elle avait un rôle un peu... moi, par Antoinette. Une minuche. Bah, voilà, par Antoinette, mais c'est un peu... Si tu veux, Antoinette, elle reste dans un rôle, dans une comédie, elle est joyeuse, elle est rigolote. Enfin, tu retrouves... En plus, il est sorti juste après le Covid, Antoinette. Moi, je sais qu'il m'avait fait du bien, ouais, ce ouais, film. Ouais. Ah non, mais il était bien, franchement, c'est bien ce film. L'âne, surtout. Il est sorti au bon moment, en plus. Et donc, c'est vrai que là, on est dans Laure Calmi, qui est dans un rôle plus grave, en fait. Elle n'est pas du tout rigolote. Elle peut même faire peur, moi, je pense, dans un certain moment. Donc voilà, donc, je trouvais que le film, on collait au thème. J'ai pas l'impression qu'il ait eu un grand succès. J'ai pas l'impression que quand il soit sorti, il ait fait parler de lui, en fait. Parce que, à part un article dans Télérama, j'ai rien vu d'autre. Si, non, mais ça, c'est parce que tu. Ah ouais. Si, il a fait. Moi, cherche j'avais pas, été tu regardes voir, que Télérama, hein. C'est pour ça. Oui, moi, j'avais été le voir alors que je lis pas Télérama. Et si, il avait bonne presse hein, quand il est sorti. D'accord, d'accord. Non, bon, alors, du coup, je vous propose le petit tour habituel. Alors, en étant assez bref, concis, de donner votre avis. Et on va démarrer par. Pierre. Alors, je vais faire du coup très bref pour essayer de nuancer un peu Antoine et pour essayer de nuancer Arnaud derrière qui va faire pareil. J'ai bien aimé sauf les 15 dernières minutes. J'ai même très bien aimé sauf les 15 dernières minutes. Voilà. D'accord. Sylvia. Moi j'ai trouvé ça long. Sylvia a aimé les premières 15 minutes. Pas la fin, pas le reste. Mais comme le film de la dernière fois, elle a aimé juste la scène du repas, tu sais. Non, alors quand même pas à ce point. Non, mon problème c'est que. Tous les personnages y paraissent un peu cinglés pour moi et du coup j'ai du mal à m'accrocher à quelque chose. Je me sens vachement extérieure au film et ça aide pas, je trouve, à rentrer dedans. Peut-être qu'en plus le thème du film a aussi sorti un peu du truc parce que forcément ça laissait des indices. Donc voilà, mais où là, je me suis un peu ennuyé. Mm-hmm. Arnaud ? Alors moi, je me suis pas ennuyé. Rapide. Sylvia, excuse-moi, j'interroge un peu Sylvia. C'est pas ce qu'on te demande. Ah, tu me demandes. Non, mais c'est vrai que toi, t'as été embêté avec Wikipédia, quoi. Parce que c'est vrai que c'est rare, une page Wikipédia où il raconte rien sur le film. Il est parti avec sa joke, là, son running gag. J'ai bien aimé le côté insulaire, que ça se passe sur une île. Je suis allé sur cette île, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui m'a gêné. C'est le côté, peut-être, justement, très caricatural des personnages qui sont trop lisibles. Que ce soit Georges. Dora Tillier, là. Ouais. Dominique Blanc. Elle est bien, elle en fait peut-être un peu trop. Je sais pas, les acteurs en donnent trop. Ils sont bien dans leur personnage, mais c'est le but. Hein. Et il n'y a pas assez de mystère avec les personnages, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était un peu trop. Ils étaient un peu trop. Enfin, leurs réactions sont un peu. C'est un peu comme un banc de poissons qui se déplace de la même façon. Et ce serait dommage. Même, tu vois, un Agatha Christie ou autre, chacun a ses raisons. Les enjeux peuvent être très personnels. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Il y avait un côté un peu trop clivant dans ce film. Voilà. Mais c'est mon point de vue, bien sûr. Bon. Et toi, Seb ? Ça marche. Ça ressemble un peu à Pierre. Et ça m'a fait la même chose. Moi, je l'avais vu au ciné. Et là, en le revoyant, le même constat. C'est-à-dire que j'adore, mais vraiment j'adore la première partie du film, alors j'irai un peu plus avant que Pierre, c'est-à-dire que Pierre, tu dis le dernier quart d'heure, moi les dernières 40 minutes, je trouve que le film s'effondre petit à petit. Par contre, j'étais à fond dedans la première heure, quoi, et enfin, en gros une heure et quart, je trouve ça génial, mais vraiment sur tous les sens, on reviendra, que ce soit la réal, la musique, les acteurs. Et c'est une frustration pour moi, c'est le film s'effondre totalement. Mais il y a plein de bonnes choses, mais on y reviendra un peu quand on rentrera dans les détails. Et il y a aussi malheureusement un film qui se finit mal, bah moi il me reste plutôt toujours cet arrière-goût. C'est-à-dire que je préfère un film qui est moyen, qui finit super bien, que l'inverse en fait. Finir mal, finir bien, explique-moi, définis s'il te plaît. La déception sur la fin. La déception de la fin, et un film où le final te déplaît. Eh ben, même si t'a plu énormément, c'est pas dans le sens, je trouve. Attends, bien que la fin, elle est positive. Il te déplaît parce qu'il correspond pas à la fin que tu aurais souhaité. Non, ça, je m'en fous. Bah si, il te déplaît, c'est-à-dire que tu ne vas pas dans le sens du réalisateur. Je vais te dire pourquoi j'aime pas la fin, c'est que je suis déçu, j'aime pas les choix scénaristiques et le manque, de réalisme de plusieurs scènes de la fin du film. Alors là, je vais vraiment rentrer dans le détail. Pour moi, la confrontation, on va dire, finale entre les deux femmes qui sont, enfin celle qui est en prison et celle qui retrouve son père, pour pas trop spoiler, quand il y a la confrontation finale, je trouve la scène clairement mal faite, mal jouée et vraiment mauvaise. Ça m'a vraiment sorti du truc. Et la toute dernière scène où t'as les deux flics, je me dis, bah en fait. Jamais ça arrive. Jamais ça arrive, en fait. Ce qu'elle a gardé dans sa poche, jamais ça arrive, quoi. Pour moi, elle est vraiment trop bête, tu dis. Elle est trop conne, quoi. Pour moi, c'est pas possible que ça finisse comme ça. Une histoire, que c'est pas possible que ça arrive, je suis d'accord. Et ça m'a vraiment sorti du truc. Surtout qu'elle a usurpé plein d'identités, on apprend. Du coup, elle est censée être pro, c'est quoi. Ça, elle est censée être pro, quoi. C'est pas du tout logique, ce qu'elle fait. Par rapport, c'est pas sa première expérience d'usurpation. Et là, c'est peut-être son premier meurtre. Je viens de le dire. Ouais, ça, à la rigueur, on s'en fout du meurtre. Tu tues tout le temps des gens, tous les jours, toi ? Le coup du téléphone, c'est ridicule. Mais je sais pas, en fait, parce que je l'entends. J'entends. Par contre, moi, j'ai marché parce que c'est le détail con qui te fait que tu te fais choper, en fait. Enfin, tu vois, t'as beau avoir ce côté. Parce que la fin est pas du tout planifiée. La fille, elle s'attendait pas à la revoir, elle s'attendait pas à ce qu'elle sorte de prison. Oui, mais tu pourrais avoir le téléphone, par exemple, qu'elle récupère un sac et elle a pas fait gaffe qu'il y avait le téléphone. Là, elle le met dans sa poche, quoi. C'est-à-dire que. Ouais, mais je pense que elle a. Moi, je vois. Alors après, c'est très personnel. Moi, je vois différent. Je me dis, elle a tout improvisé à partir de ce moment-là parce qu'il y a plus rien qui est calculé, tu vois. Alors qu'avant, elle a tout calculé, elle a tout eu le temps de calculer. Là, il faut qu'elle fasse un impro. Et à l'impro, elle est peut-être pas si bonne que ça, et elle se fait choper. Et moi ça m'a pas choqué, tu vois. Je me dis, c'est un truc, ouais, mais combien de fois je me suis fait choper sur des détails à la con, tu vois. Parce que tu usurpes des identités et... Non, mais tu sais, quand tu. Les 15 cadavres dans le garage, au bout d'un moment, ça se voit, Antoine. Voilà, ça se voit, ça pue au bout d'un moment. Sylvia, tu devrais te poser des questions. Ouais. C'est pas que ses aisselles. Parce qu'on peut imaginer que son téléphone peut sonner en même temps qu'un autre appel extérieur et pas forcément celui des gendarmes. Mais justement, là, c'est encore d'autant plus ridicule. C'est limite, on va l'appeler, hein. Oh, Bison, tu la vois même pas paniquer. Enfin, en gros, c'est... Non, mais j'entends, ça je l'entends. Mais pour moi, alors Pierre... Je suis d'accord avec cette critique, mais moi, ça m'a pas dérangé. Le film sombre, pour moi, il y a une erreur, c'est quand, comment il s'appelle l'acteur, enfin celui qui joue le père. Jacques Weber. Weber. En fait, quand il devient violent avec elle, je trouve que le film commence déjà à perdre parce que finalement, elle... Tu la revois presque comme une presque victime, et je trouve que ça amène pas au film. Moi, je préfère le côté elle manipule de A à Z. Lui, finalement, ça reste quand même un... Enfin, ils sont tous pourris, mais je trouve que c'est dommage que lui soit comme ça à la fin avec elle, quoi. Ils sont pas tous pourris. Ça me choque pas, en fait. Pour moi, ils sont pas tous... Moi, je rejoins Antoine, ils sont pas tous pourris, parce que pour moi, en fait... Il est violent, lui, avec elle, à la fin. Tu comprends pourquoi ses enfants et petits-enfants, ils l'aiment pas tant que ça. Parce que ça montre une facette de lui qui est pas sympa. Parce que jusque-là, tu voyais qu'un bon côté, en fait. Tu pourrais dire, mais pourquoi sa famille, elle aime pas, en fait. Mais oui, mais jusque-là, tu te disais, mais en fait, il est sympa. Pourquoi sa famille, elle aime pas? Pourquoi ses enfants, ils se barrent? Pourquoi sa fille, elle veut le dégager? Enfin, pourquoi sa femme, elle veut le faire chier sans arrêt? Tu comprenais pas trop. Et je pense que il montre un peu son vrai visage. Alors, voilà, il est violent, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, c'est vrai. Mais pour moi, ça me choque pas que tu... Oui, mais ça la rend sympathique, leur calmie. Moi, je trouve cette scène-là la rend sympathique. Alors que finalement, je trouve que le film aurait gagné à être... Elle n'est pas censée l'être. Beaucoup plus sombre, genre le talent... En fait, ce film, il m'a fait penser à deux films que je préfère. Et c'est Un homme idéal avec Pierre Niney, et qui fait une usurpation d'identité d'écrivain, et Le talentueux Monsieur Ripley avec Matt Damon et Ben Affleck. Et je trouve que les deux films, ils vont beaucoup plus loin. Et je trouve que celui-là... Ah, le remake de Sous le soleil de Delon, là, c'est ça? Ah, je sais pas, ouais, peut-être, c'est possible. Plein soleil, c'est un remake de Plein soleil, ah, avec Alain Delon, ouais. Et je trouve que là, le film, en fait, en faisant ça, à un moment, bah, t'es presque content qu'elle se venge, en fait. Et alors que non, on en oublie le film. Le film, il est sur l'usurpation. Bah, là où je te rejoins, c'est que t'es content que lui, il perde, en tout exactement, cas. Exactement. Et je trouve ça dommage par rapport au... Je veux dire, c'est anecdotique, enfin, par rapport au reste du film. Sébastien. Oui, mais vas-y, t'as le droit de pas être d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je voulais juste rectifier un truc. Tu dis, c'est un film sur l'usurpation d'identité. Ah bah oui. C'est un film pas que là-dessus. C'est un film sur pas la que famille. Là-dessus. Oui. Ouais, c'est un film sur quelqu'un qui cherche une famille. Parce qu'à un moment, c'est pas l'argent. Parce qu'à un moment, lui, quand il est à l'hôpital, il dit, putain, mais en fait, tu cherchais juste une famille. Enfin, tu vois. Non, mais elle est folle, simplement. Non, elle est pas folle. Non. Elle cherche une famille. Elle a un problème mental, mais elle cherche une famille. Ah oui, mais elle est folle. Quand même un petit problème psychologique. Hein. Ah, mais si, elle est folle quand même. Alors, quand t'es dans une. Enfin, surtout, les familles, c'est comme une kleptomane. Vouloir déjà être dans sa famille, c'est pas évident, mais vouloir être dans la famille d'un. Oui, là, la folie, elle est. Elle est folle. Non, mais. Il y a quand même à un moment donné une détenue qui explique à l'autre qu'elle fait ça aussi régulièrement, oui, de draguer des détenus et puis de les laisser tomber après une fois qu'elle en a profité. Donc, clairement, il y a des indices dans le film qui disent que cette fille, elle n'est pas nette dans sa tête. Oui, carrément. Oui, mais elle fait ça, pour moi, elle fait ça dans un sens à avoir de l'approbation, que ce soit par une famille, enfin par un cercle proche qu'elle n'a pas, parce qu'en fait, elle vit toute seule, elle n'a personne, elle n'a pas de famille, elle n'a rien. Et elle cherche à trouver des cercles de famille proches pour avoir de l'approbation, des gens qui l'aiment, etc. Elle cherche de l'amour, effectivement, si elle cherche de l'amour. De la et à chaque fois, elle va de cercle en cercle, comme ça, parce que voilà, ça ne dure qu'un moment. Prendre l'identité de quelqu'un, ça ne marche que pendant un temps. Tu vois, elle était le début du film, elle est chez sa logeuse. Je croyais, les premières scènes, je crois que c'était sa mère, tu vois, elle loge encore chez sa mère. En plus, elle est très proche. Elle est rejetée, tu te rends compte qu'au final, tu te rends compte qu'elle a pris elle a pas pris l'identité, parce que là-dessus, il n'y a rien qui est caché, mais je pense qu'elle devait se jouer comme la fille. Oui. Et la fille est de retour. D'ailleurs, tu la vois jamais, la fille. Tu la vois à un moment, un plan de dos, tu sais pas qui c'est, mais faut qu'elle lâche. Oui, mais justement, au début, la place. Donc, faut qu'elle se retrouve une autre place. Mais tu la prends en pitié au début. Au début, tu te dis. Au début, oui, mais je pense que le film. Et du coup. Tu la vois si elle travaille à l'usine. Non, mais je suis d'accord. Et tu commences à voir qu'elle fait tout pour s'en sortir. Du coup, t'as de la sympathie pour elle. De la compassion. Mais pour de l'empathie. Comme dans Un homme idéal pour Pierre Niney, t'arrives à comprendre ce qu'il ressent et finalement, t'arrives à te transposer. Et à un moment où tu vois qu'en fait, elle manipule tout le monde, qu'en fait, tu dis, mais c'est vrai. C'est vraiment une garce. Et bien là, finalement, lui, il devient odieux. En tout cas, tu vois son côté odieux à Weber. Et je trouve que du coup, finalement, c'est aussi bien fait s'il en prend plein la gueule. Et je trouve que ça casse la dynamique qui est insufflée où tu te dis, Enfin, moi, voilà, c'est un reproche. Après, je peux entendre que... En fait, il veut aborder trop de thèmes, du coup. Parce que, du coup, effectivement, t'as le terme, ce que tu disais, du patriarcat, il y a le terme de la famille. Et finalement, à la fin... Trop ambitieux, le réalisateur. Il y a trop de sujets, finalement. Et toi, tu parlais de « À couteau tiré, Antoine », que j'adore, hein, dans le retournement. Et il a deux thèmes. Il a le retournement et puis il y a justement le problème du familial, quoi. Il y a ces deux thèmes. Là, je trouve qu'il en rajoute un peu un troisième. Et puis, tu as la relation avec la détente. Enfin, je trouve que le film se complexifie et il en perd jusqu'à quel point elle va manipuler. Parce que je trouve que la scène, elle est aussi un peu facile quand il y a Georges, là. Elle arrive à l'hôpital et elle est derrière... Alors que l'autre l'a pas vue. Je la trouve pas très crédible cette scène. Elle est pas crédible parce que l'autre l'a pas vue et finalement elle joue le rôle de la fille. Tu dis mais attends, elle l'a pas vue. Bah j'ai eu le doute en voyant la scène. Je suis pas sûr en fait qu'elle l'ait vue ou pas vue. Bah je crois que je suis sûr qu'elle l'a pas vue. Non, mais en tout cas qu'elle l'ait vue ou pas vue, ça a rien changé parce que du coup, elle fait semblant elle de s'endormir. Elle est dans sa folie comme tu dis. Mais non, parce que dans sa folie là elle est folle là. Oui, mais du coup voilà, ça aborde un autre thème d'un coup finalement, elle est simplement folle. Elle était super manipulatrice en fait. Pour moi, elle est pas folle. Elle est. Bah si. C'est de la folie. Elle est kleptomane famille. C'est une sorte de folie quand même. Peut-être pas au début du film. Elle est manipulatrice, mais dire qu'elle est folle. Bah si, pour je moi. Je pense qu'elle a un but. Elle est malade. Elle a la folie au sens. Quand tu commences à tuer des gens, c'est que tu vas pas bien. Hein. Elle a ce faux pas à la fin. Hein. Tu peux être fou et intelligent. Je sais pas. Elle est pas dans la folie. Pour moi, elle est dans la survie. Elle est pas dans la folie. Je suis pas d'accord. Quand même. Moi, ce qu'il y a un plan qui me plaît, c'est qu'elle a envie d'appartenir à cette famille. Je sais pas. D'ailleurs, parce que à la fin, attends, t'imagines qu'à la fin. Non, parce que la co-détenue. Sur le. Attends, je te parle. Attends, je te laisse parler. Je termine mon explication. C'est qu'à la fin, t'as un plan moi, que j'ai trouvé assez bien, où ils sont tous assis sur un banc. Ils sont tous sur le même pied d'égalité. Il y a même la bonne qu'on voit depuis le début du film qui s'assoit au même sur ce grand banc, au là, même niveau. La veillée funèbre, au même niveau. Ils sont tous les membres de la famille, enfin de la maison, parce que la bonne ne fait pas partie de la famille. Elle est sur un plan à part. Tu la vois jamais. Avec. Et dès qu'elle arrive, ouais, tout le monde se barre. Ça explique pas. Non, c'est même pas non, ça. Elle est à leurs pieds. Laisse-le finir. Quand elle vient s'asseoir, ils lui disent, elle vient s'asseoir à leurs pieds, en fait. Et ça, tu dis, mais elle veut appartenir à une famille où dans cette famille, elle n'est même pas... Non, moi je suis pas d'accord. Elle sera jamais transfuge de classe. Elle sera jamais acceptée dans cette famille. Et d'ailleurs, il y a une scène à un moment dans le film. C'est là où quand vous dites que vous êtes qu'ils sont tous fous, pour moi, non. J'ai pas dit, ils sont tous fous. Je pense que la mère... C'est la plus cohérente de tous. À un moment, il y a une scène dans le bateau avec la mère et l'autre fille, je sais pas comment elle s'appelle, les actrices. Georges, et où t'as l'impression que la mère elle est un peu faux-folle, tu vois. Elle est excentrique, je dirais, plus que folle. Elle est excentrique. Mais à un moment, elle dit, mais elle sont sur le bateau, et c'est là où, en fait, les personnages ont un temps d'avance sur nous, je trouve, où elle sait très bien, parce que c'est là qu'elle te parle d'un procès, toi. T'as jamais entendu parler de ça, même si le père, il a dit, ah, je vais avoir besoin de toi, même si tu sais pas ce que c'est. À un moment, elle dit, oui, mais tu vas voir quand elle va venir témoigner contre nous, en fait. Et la mère, elle lui dit, mais attends, vous avez votre vie, mais moi, je vais être toute seule, moi. Moi, je vais être toute seule. Il va me rester qui une fois que votre père, il sera plus là. Et en fait, ils sont tous dupes. Enfin, ils sont tous... ils savent qu'elle, il y a un problème avec elle, qu'il y a quelque chose de pas net, en tout cas. Parce que la demande d'avoir une carte d'identité, ça peut paraître très, très froid, mais pourquoi pas, à la limite. Moi, je trouve que c'est le personnage qui, pour moi, est le plus cohérent, en fait, ouais, Georges. Je veux dire, tu te dis, attends, il y a quelqu'un qui arrive. En plus, il y a de l'argent. Georges est effectivement cohérent. Ça, il n'y a pas de souci. Tu te dis, bah attends, montre-nous ta carte d'identité. Montre-nous au moins ça, tu vois. Non, mais pour moi, dans un deuxième temps. Le vrai twist, donc, c'est là que le film, je te dis, quand même, il se perd. Enfin, le père, finalement, tu te dis, le père, pourquoi il joue ce rôle-là? Et finalement, lui-même, il y voit un intérêt. Et je trouve que le film, il est génial. Quand il y a ce truc-là, justement, tu te dis, en fait, ça va être un jeu gagnant-gagnant où lui, finalement, il n'est pas non plus si sain et tout. Sauf que j'arrive pas à comprendre, il s'énerve. Et là, tu te dis, bah elle, moi, je suis désolé. Hein, pour moi, elle n'a pas envie d'être bien dans cette famille. Comme disait Sylvia tout à l'heure, la co-détenue lui dit, elle a fait ça avec tout le monde. Donc, en fait, son truc, c'est d'aller voler. Une fois qu'elle a volé, qu'elle a passé un temps dans une famille, elle va aller voir ailleurs. C'est sa façon d'être. Mais voler, je sais même pas. J'ai plutôt le parasite. Tu vois, non, mais voler une famille, pas voler l'argent. Oui, elle refuse l'argent. Hein. Non, mais au sens, elle s'installe dans les cocons, comme le coucou, là, qui va d'un nid à un autre, qui est jamais... Toi, elle accepte quelque part d'être la bonne. Non, où, je suis pas d'accord avec toi. Viens avec nous à l'écran ci parce qu'elle est à soi et à la fin. Ça, c'est la toute fin. C'est sa façon de manipuler. Oui, mais c'est ça. Mais là, je sais pas qui manipule elle qui parce qu'au final... Elle cherche une famille. Elle se fait passer en victime. Peu importe. Je sais pas si elle se fait passer en victime parce qu'elle accepte. Et quand Dominique Blanc lui dit, bah attends, moi je vais me coucher, mais j'aime bien que la maison soit propre. Est-ce que tu peux débarrasser la table? Là, elle lui fait clairement comprendre que si elle reste, c'est la bonne en fait. Oui, mais sauf que. Donc elle sera. Enfin... Oui, mais ça, c'est mais la vision de la famille. Si on prend ce qu'elle a fait, elle restera pas. Si quoi? Si on prend la vision de tout ce qu'elle a fait jusque-là, elle restera pas forcément pendant des lustres. Non, ouais. Elle en profitera et puis elle se barrera. Enfin bon, voilà. Oui, en oui, tout mais cas, bon, c'est... après, ça, est-ce que oui, oui, non, mais ça, c'est. Genre, on... tout le monde s'arrange avec ses. Non, mais vous trouvez pas que. Enfin, je sais pas. Bon, la chaque personnage partie... a ses raisons. Non, mais la première partie, quand il y a... moi, je trouve que même dans la réalisation, ça change. C'est-à-dire que la première partie, elle arrive, la première fois qu'elle rencontre la famille, t'as un split screen là où tu vois les cinq personnages. Je trouve ça c'est assez original. Tu vois un moment, tu vois leur réaction. C'est assez pénible. Bon, moi, j'ai trouvé ça bien. Je trouve que moi, j'ai trouvé bien ce plan. J'ai ouais, t'as la musique. Franchement, il y a une espèce de musique intrigante qui revient à plusieurs moments. T'as un vrai effort de mise en scène. Je trouve que tout ça s'effondre à la fin. T'as putain. Il y a de la musique. Il y a de la musique, sérieux. Ah oui, il y a une musique d'ambiance. Ah, il y a de la musique. Ouais, il y a une musique d'ambiance qui est assez glauque. Il y a 3-4 notes. Elle est assez top. Elle est. T'entends. Non, il y a de temps en temps, mais si, il y a de la musique. Et tes limites, c'est mais des elle est presque à trop appuyée, moi, je trouve. Ouais, moi, je trouve qu'elle donne des frissons. Ça, hein. je trouve qu'il n'y a quasiment pas de musique. Ah, bah, tu en fait, chose, ouais. Alors, moi, j'y ai fait beaucoup plus gaffe là, en le revoyant. Je peux vous dire qu'il y a, un thème musical un peu de mystère assez angoissant qui est assez judicieux. Le réalisateur, il est peut-être trop ambitieux, comme tu disais, Sébastien, parce qu'il veut faire un film avec du suspense. En même temps, il veut faire un côté Chabrol, mais il n'arrive pas. Il y a trop de thématiques. En fait, il y a trop de choses. Il peut parler trop de choses. Et finalement, il choisit rien. Et comme il choisit rien, bah, nous-mêmes, déjà, on s'identifie à aucun personnage. Un peu à elle au début, peut-être. On n'en tire ni une morale, ni alors l'origine du mal à qui profite le crime. Toi, il y a un petit côté comme ça, et ça profite. C'est ça tu qui est dommage. Un film sans être sensible au personnage. Bah, alors oui, effectivement, on est comme eux, on est totalement détaché de. Alors je peux comprendre que des fois être détaché des personnages, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être loupé parce que tu dis bah si je me fous de, je suis détaché, mais là moi je me sentais, je veux pas dire détaché, mais moi j'étais spectateur de ça, tu vois, j'étais pas plus attaché à un personnage qu'à un autre. D'ailleurs, tu regardes un thriller, un vrai thriller, tu te sens pas attaché au personnage, je pense que t'as une empathie, hein. Une angoisse ou t'as d'autres choses qui t'accrochent ou l'envie de connaître. Bah là moi l'issue. C'est envie de connaître la fin du film, tu vois. Connaître bah, pour moi, la croyance envers les personnages, ouais. C'était pas assez puissant en fait pour en plus n'avoir aucun attachement en fait. C'est tout à moitié fait, tu vois, c'est comme si... On en revient, c'est parce que probablement il a voulu mettre trop de choses et que c'est pas abouti. Dans la mise en scène, moi, il y a aussi un truc que j'ai trouvé sympa, en fait, c'est parce que cette maison, elle est assez bizarre à l'intérieur, c'est très chargé, les pièces sont très chargées, c'est que la première fois qu'elle arrive dans la maison, elle monte les marches, là, c'est ce grand escalier extérieur avec Weber, et là, il y a trois molosses qui arrivent, il y a trois chiens, quelque part, sur, tu dis, bon, le comité d'accueil, il est sympa, et après, quand elle discute... Mais on est d'accord que c'est une scène qui sert à rien. Oui. Mais je sais pas, parce que... Bah, mais tout comme moi, non, c'est mais, comme les animaux empaillés, ça mais sert si, à rien. Mais si, je pense que, justement, t'arrives, elle arrive dans un nid de guêpe, j'ai envie de dire, tu vois, où il y a ces trois molosses non, qui, au final, qu'il y a font des rien, chiens, mais après... Les chiens, c'est pas dans des nids de guêpe. Ouais, d'accord. On te laisse libre de tes propos. Oui, mais après, à chaque fois, quand elle est dans ce salon, il y a toujours des animaux empaillés. C'est toujours en plus des animaux qui sont... c'est toujours des carnivores, en fait. C'est jamais des papillons, c'est jamais des libellules. Fin... Et ce qui fait qu'il y a toujours cette ambiance un peu oppressante ouais, où ouais. T'as l'impression qu'elle va se faire bouffer par une murène. À un moment, quand elle est dans le bureau de Jacques Weber, il y a une grosse mygale au plafond empaillée. Enfin, tu vois, il y a toujours comme ça un truc qui... De prédation. Ouais, de prédation, en fait. Alors, c'est peut-être un peu trop parce que c'est vrai qu'il y en a, enfin, je repérais ça souvent, mais ouais, la thématique des animaux en fait, et c'est jamais des animaux dans la nature que tu as envie de croiser en oui, fait. Oui, mais c'est alors, ok, alors si tu dis ça, pourquoi pas, mais c'est pas exploité. Enfin, je veux dire, il a mis une pièce qui lui. Non, c'est juste jamais. Dans l'ambiance. Bah, c'est pas exploité, c'est dans le sens où c'est. Maintenant, tu la sens jamais victime voilà. Finalement, tu la sens très rapidement. Non, mais je parle pas de. Non, non, mais moi, si tu veux, cette première scène, tu sais, où donc elle monte ses escaliers, t'as ses trois chiens là, et après elle rentre. Elle se fait accueillir par la bonne qui est aussi chaleureuse qu'une poignée de porte. Une porte de prison. Après, elle arrive dans le grand salon. Après, elle arrive dans le grand salon où là, t'as plein d'animaux empaillés. Il y a Dominique Blanc qui fait son apparition, qui lui fait une réflexion. Alors déjà, en plus, dans le jeu, elle est écrasée dans son canapé. Dominique Blanc, elle est plutôt, elle prend un peu tout l'espace. Donc tu sens que déjà, il y a un rapport de force qui se fait entre les deux. Elle, en plus, elle est plus petite. Déjà, c'est une actrice qui est petite par sa taille. Mais tu as des animaux derrière, je sais plus, tu as des murènes, tu as des aigles, tu as des renards. Enfin bon, voilà, tu sais, c'est un peu comme dans le. Comment c'était. Et pourquoi le pas film, et du coup, le twist, il aurait été encore plus. Donc, t'as ce que, mais y a, non, mais y a, oui, mais tu te dis, elle est. Oui. Mais justement, alors, c'est sous-exploité. Je suis d'accord. C'est peut-être sous-exploité. Toi, si c'est mais le cas, dans, dans l'ambiance, en plus, au bout de 2-3, tu vois, au bout de la troisième phrase de Dominique Blanc, c'est ah bah oui, mon mari, il a toujours eu du succès auprès des femmes. Bon, il y en a qui étaient moins jolies que d'autres, tu vois. Donc, dès le départ, elle est mise dans l'ambiance. Alors, elle n'est pas dans un nid de vipère, mais au final, tu sens que sa cohabitation avec le reste de la famille va être tendue. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est pas. À part une ambiance, ça révèle rien d'autre. Et moi, je me suis fait une remarque à un moment. Alors, soit c'est moi qui en ai trop vu, mais. À un moment, il y a un passage secret qui donne sur la mer. Vous souvenez de cette scène-là? Oui, on est bien oui, d'accord oui. que c'est pas du tout exploité. Non, ça sert à rien pour la non plus. Fin. Oui. Non, bah non, même pas à la fin. On la voit même pas prendre cet endroit-là. Non, elle passe pas par là. Non, elle passe pas par là. Elle va pas là. Non. Et je me suis dit, tiens, moi je m'étais dit, ça va servir à ça, et en fait, moi elle passe par là, pour moi. Pour moi, justement, je me suis fait la réflexion. Pour moi, elle passe par là. Non, je m'étais fait la réflexion au premier visionnage. Et en fait, au deuxième, non. Non, parce qu'elle arrive en hauteur hein, quand elle sort le corps. Alors que là, le passage secret, il t'amène... Oui, elle le jette d'une espèce de falaise. Alors ouais. que le passage, il bah finit... Pour moi, Non, ouais. non, c'est pas du tout... Non, mais du coup, moi, je me suis même dit à un moment... Alors, un peu la fusil de Tchekhov, dit « Ah, ça va être utilisé à un moment. » Oui, oui, et, oui. Et finalement, non. Alors, tu te dis, soit c'est bien joué, ce que j'ai été pris piégé, soit surtout, je me suis dit, ça se trouve... La fin, il savait pas comment il finirait le truc, tu vois. Et du coup, il laisse cette scène-là. Mais en fait, tu dis, mais elle sert à quoi cette scène? Enfin, j'ai pas compris. Ça m'a perturbé, en fait. Parce que, justement, je fais gaffe que les scènes servent à quelque chose, Antoine. Donc, oui, non, mais j'ai listé celle-là. Je rebondis. Et j'en ai une autre. Non, mais comme ça, je te laisserai. Les plans. Non, mais moi, ouais, j'en ai une autre, c'est une scène où les deux moi. Filles se battent en prison. Je me suis dit, bon, à part soit ils voulaient se rincer l'œil avec deux filles à poil qui se battaient, mais pour l'histoire, ça n'amène rien, puisque l'autre personnage, on en a rien à foutre. À la rigueur, c'est si clair. Ce n'est que c'est la fille, mais, ouais, ouais, non, mais elle a pas besoin de ça pour s'évader, aller à l'enterrement de son père, quoi. Voilà. Moi, le film, je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que par exemple, moi, il y a carrément un personnage, je trouve, qui sert à rien, c'est la fille. C'est pas la laquelle, fille parce qu'il y a presque que des filles. La petite fille. La petite fille. Celle qui joue aussi dans Thérapie, là, dans la. Elle a une bonne réplique. Ah, celle qui veut se barrer plus tard, c'est ça? Celle qui veut se barrer. Celle qui fait les photos. Et déjà, la première fois que j'ai vu le film, je ne comprenais pas à quoi elle servait. Je ne vois pas ce qu'elle amène, en fait. Bah, ouais. Parce que d'ailleurs, dans cette scène de split screen, là, son personnage, il disparaît, il revient pour regarder son smartphone. Ah, ok, tu comprends qu'elle n'est pas intéressée par ce qui se passe, mais je ne vois pas ce que ça montre. Elle est extérieure à tout ça. Elle cherche à avoir sa réplique où elle dit que les familles, c'est toxique, en gros, c'est tout. Ouais, c'est non, mais voilà, c'est ça. Et je... Ok, ouais, ben bon. Pour moi, c'est la seule utilité du film, c'est de sortir cette phrase-là, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau plan utile, tout ça, c'est pour ça que moi le film je l'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'en le revoyant, il souffre peut-être de ses faiblesses et effectivement le vernis craquelle un peu et peut-être qu'à la troisième visionnage, bon, ben ce sera. Ça commence à faire. Tu crois que ça va s'écrouler au troisième visionnage, c'est ça? Je sais pas si ça va s'écrouler, mais parce que moi, par exemple, un des trucs moi qui m'a plu, mais c'est donc ce twist qui intervient au milieu du film. Après, il y a l'enterrement, elle reste dans la famille. Et moi, je me dis, oh là, le film, il ne faut pas qu'il se finisse là, parce que sinon, je serais dégoûté. Après, il y a Suzanne Clément qui réapparaît. Fin... Et après, là où il y a aussi, je trouve, ce que je disais la dernière fois dans le podcast, tu sais que le twist, il va intervenir parce qu'il y a Suzanne Clément. Elle a deux apparitions. Elle ne va pas être là pour rien. Donc, peut-être pour ça qu'au bout d'une heure du film, le twist, il est révélé, parce que tu ne peux pas durer. Il y a un moment, il y a quatre personnages dans le film. Il y en a un que tu ne vois pas beaucoup. Donc tu sais qu'il va avoir, sa révélation. Donc voilà. Mais moi j'ai eu plaisir à voir Laure Calmy, à voir Weber, même Dominique Blanc, qui n'est pas une actrice que je connais plus que ça et qui me fait aller voir des films au cinéma, qui me fait aller voir ses films. Je trouvais qu'en excentrique, elle jouait bien. Enfin, Est-ce qu'on peut parler de la scène où elle se cogne? La scène où elle se frappe exprès parce Pareil, j'ai pas compris là. Parce qu'elle veut se victimiser à nouveau. En fait, mais elle le fait. Qu'est-ce qui détermine. Attends, c'est quoi déjà la cause de ça? Voilà, elle fait tomber un vase par terre. Oui. Oui, j'ai envie de dire, alors, c'est pas un drame. Non, mais quoi. C'est qu'elle est appelée au téléphone. Il y a autre chose. Non, c'est parce qu'elle est appelée au téléphone. Elle est appelée par Suzanne Clément, en fait. Elle est appelée par Suzanne Clément. Oui, c'est ça. Et en même temps, je crois qu'elle se fait appeler, et Suzanne Clément entend vaguement qu'elle n'est pas chez elle, en fait. Oui, et puis elle a peut-être peur qu'elle reconnaisse la voix à distance, quoi. Peut-être. Elle, effectivement, j'ai pas compris. Parce que c'était pas, c'était pas juste avant qu'elle aille au tribunal. Oui, non, mais je suis d'accord que cette scène ne sert à rien non plus. Pareil, au tribunal, à un moment, l'écran, il devient plus petit, là. J'ai pas compris pourquoi il y avait... Eh ben, je voulais poser la question, pourquoi l'écran était plus petit à ce moment-là. Parce que le cadre, c'est le cadre de la justice. Non, mais je vois pas. Autant le split screen, ce que je trouvais sympa, c'est que je pense que... C'est du 1.33. C'est un faux split screen, parce qu'au final, quand ils se retournent, ils se regardent. Et je pense qu'à table, ils sont pas orientés comme ça, mais ils sont orientés pour le split screen et pas pour la table. Donc, je trouvais que ça marchait bien. C'était ouais, c'est du, comment on appelle ça, du cinéma, en fait. C'est pas vrai, c'est pas une situation réaliste, mais c'est une situation qui marche sur l'écran. Ouais, ça, ça resserre l'intrigue, ça resserre un peu le, ça donne un côté plus ouais, formel. Ouais, mais pourquoi, ouais. Tu vois, c'est un effet de style. Ouais, ouais, c'est un effet de style, mais j'ai pas compris à quoi ça ça marche bien. En fait, j'ai l'impression que ça ajoute, le fait que l'écran soit plus petit, ça ajoute un côté documentaire au film. Pour moi, je l'ai vu, pour moi, ça m'a donné l'impression que ça plus, on était plus dans une. Eh bah, ben, je trouve que non, parce qu'en fait, c'est petit sur le début et la fin du procès, mais il y a une, toute une scène au milieu où tu as fait des deux petits écrans l'un à côté de l'autre, tu vois. Ouais. Et je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre. Enfin, pour moi, il n'y a eu aucun intérêt à ce cadrage. Enfin, ce, mais ça ouais, crée. Taille d'écran un peu différent. En tout cas, bon, moi, en tout cas, le fait de le voir, ça intrigue et je trouve qu'on est plus concentré sur la scène. Enfin, je trouve que ça. Ça amène peut-être parce que c'est la justice des hommes. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi il y a eu ça. Ouais. En tout cas, pour moi, le retournement, il est à ce moment-là, hein, dans le film. Bah, pour moi, c'est là où tu vois que moi, c'est là où Laure Calmy. Alors, effectivement, quand elle se bat, quand elle s'engueule avec Suzanne Clément, tu dis, bon, au final, ça peut être une escroc, la fille. Elle s'est servie de Suzanne Clément pour connaître son histoire, pour savoir qui est son père, pour infiltrer, et hop, et elle a plus besoin d'elle, elle l'abandonne. Mais bon, enfin, je veux dire, ça, qui n'a jamais fait ça, hein. Qui n'a jamais usé d'une personne. Après, pour arriver pour à quelqu'un qui a fait ça plusieurs fois, elle s'en sort bien, quoi, hein, parce que. Non, mais ça peut être, ça pourrait être, tu vois, sans parler de folle, ça pourrait être juste une escroc, en fait. Mais hein, est-ce qu'au départ, elle semble avoir, elle veut jouer le rôle du père, de son père. Et il y a un retournement de situation. C'est là où moi je vois que Laure Calmy, je dis vous, mais qu'est-ce qu'elle fait là, parce qu'elle se retourne complètement. Attends, en fait, non mais je sais pas si elle est un peu dans sa folie de famille en disant. Non, pour moi, elle est pas folle à ce moment-là. Au contraire, je dirais. Non, moi au début, je pense qu'au début elle craque parce que bon, elle s'est fait frapper et oui, elle a compris. Alors soit tu peux le voir du côté, elle se met du côté des femmes et effectivement, elle veut arriver à ses fins. Pour moi, elle l'aurait fait même s'il avait pas été violent. Ah non. Elle l'aurait alors piégé. Que pour moi. Elle n'aurait pas forcément choisi ce côté-là, parce que ouais. Quelque part, elle avait gagné dans les deux sens. Mmh. Et pour moi, le côté du père qui devient violent, du coup, ça casse ses illusions. La motive à choisir le camp des autres. Quoi. Mmh. Ouais, je pense qu'elle était partie pour choisir le camp du père, je pense, jusqu'à ce ouais, que, moi, je le vois comme ça. Avant ouais. qu'elle le frappe, quoi. Qu'il la frappe. Ça lui remet les idées en place. Ouais, peut-être. Ouais, mais. Tu n'as pas vu ça comme ça, Seb ? Peut-être, ouais. Mmh. C'est possible. Je vais le revoir en rentrant ce soir. Ouais, regarde-le. Comme ça, tu le verras pour la première fois. Ça fait longtemps. Alors. Il me taquine. Hein. Ouais. Comme s'il avait vu tous les Steven Seagal ici. Pourquoi, pourquoi l'origine du mal, du coup ? Bah, c'est pareil. Je me suis alors, posé la question. Pareil, parce ouais, que je veux j'ai bien. Pas la je réponse. Pense que c'est le tableau de Courbet, l'origine du monde, l'origine du mal. Ouais, mais sauf que. C'est la femme. Ah, c'est la femme ah pour bah, toi ? Ouais. C'est bien, on fait bien un podcast misogyne, c'est bien ça, non aussi, mais... Alors, là, c'est le podcast du non, lundi, trouve, donc c'est celui-là. C'est une bonne idée, parce que du coup, c'est un pied de nez à tout le film, parce que le film est quand même plutôt sur le cassage du mythe du prêtre. Enfin, oui, c'est, enfin, c'est plutôt un film, entre guillemets, un peu, enfin, qui est plutôt engagé pour les femmes, quand même. Bah, je trouve pas, du coup, au final. Mauvaise... Hein. Bah, non. Je... Parce que toutes bah, les femmes sont mauvaises, pratiquement. Et purges. Hein. À part la gamine. À part la gamine, les autres, c'est quand même toutes, plus ou moins, même ouais, Georges. Hein. Georges, non, mais elles sont pas mauvaises, elles veulent juste... Non, non, elle veut juste se débarrasser de son père, mon propos. En fait. Ça, ouais, te genre, des femmes, ça te montre des femmes fortes. Puissantes, comme dirait, oui, comme dirait Léa Salamé. Ils sont comme des hommes. Ils sont comme des hommes. Non, et puis, bah, attends, j'en sais, elles c'est sont quand des même... Plus légères, plus légères. Qui se laissent pas faire, qui se laissent pas manipuler. La parole est aux femmes, s'il vous plaît. Essaye de reprendre la... Pourquoi elle est cinglée, Stéphane ? Ah non, Stéphane, oui, non, bah, oui, si c'est Georges, je confonds avec Georges. Non, mais justement, avec Stéphane, oui, qu'on oui, en direct, oui, Sylvia, en direct de Blois, on t'écoute. Oui, je disais, ok, des femmes fortes, mais tu peux être une femme forte sans être cinglée. Or là, on se retrouve avec la, l'usurpatrice qui a clairement des problèmes psychologiques à régler. Pour moi, elle n'est pas... Ouais, peut-être... Ouais, enfin là, c'est, des c'est plus de la névrose à ce niveau-là. Elle est pas cinglée. Non, mais... Et toi, tu casses un vase, tu te pètes la tête sur un mur, enfin... Manipulatrice. Mais... Manipulatrice ou escroc, mais cinglée, ça va bah, être le fait qu'elle le fasse tout le temps, Pierre, tu vois pas ça comme un problème mental? Le fait qu'elle, à chaque non, fois qu'elle, qu'elle voit, elle se sent obligée de piquer l'identité. En fait, pour moi, elle est manipulatrice, mais c'est pas une manipulatrice, par exemple, comme un escroc qui veut juste gagner de l'argent. Mmh. Pour moi, elle est aussi manipulatrice parce qu'elle a cette faille et ce besoin de famille qui la pousse à faire ça. Et donc, il y a oui, quand même c'est... un problème psychologique au départ qui la pousse à faire ça. C'est pas juste je manipule les gens pour gagner du fric. Sylvia. C'est un besoin qui n'est pas juste un besoin d'argent, c'est un besoin d'autre chose. Oui, mais moi. Du coup, ça oui, révèle du un coup, traumatisme, elle est... une pathologie. C'est quoi. Pas un choix. Pour moi, elle ne fait pas le choix d'être comme ça. C'est ses problèmes psychologiques oui, qui l'amènent à ça. Ça, on n'en sait rien. Je suis d'accord. Non, bah, mais... C'est comme ça que je le vois. Bah, mais moi, je ne vois pas comme ça. Ouais, mais bah, tu toujours vois mal, que donc, moi, je crois que j'ai la vision de super Pierre. Personnage, hein, merci. La mère, elle paraît quand même... Non, elle est excentrique, mais c'est tout. Elle est excentrique, bah, d'accord, mais c'est pas non plus le personnage que t'as envie de, d'être. Mais c'est pas parce que t'as pas envie non, mais d'être... Est-ce que le film, non, mais ce que je veux dire, c'est que si on prend l'image femmes, des femmes... Voilà, c'est ça que vous étiez en train Puis de dire. Ça veut dire quoi, rendre hommage aux femmes? Elles sont pas les femmes. À aucun moment, il y a une femme où tu te dis... non, je suis désolé, le film, il a plutôt tendance à dire les femmes, elles sont aussi pourries que les hommes, voire pire, quoi. C'est le message que moi, je vois du film. Après, je dis pas... Enfin, l'image du père, elle est un peu pourrie aussi, oui, quand même. Mais à la rigueur, ah oui, tu t'attends mais... à ce que oui. l'image du père soit pourrie. Mais pas celle de toutes Est-ce les femmes. Est-ce que parce qu'il y a des femmes, c'est un film féministe? Enfin, moi, je vois même... Alors, ah, sinon, je me suis alors, vraiment désolé, pas posé la question sur ce film-là. Hein. Du coup, Georges, vous en pensez quoi? Bah, attends, elle veut le pognon bah, du père. Pour moi, Georges, c'est ah, la... Attends, le pognon, tu veux dire que... Non. Enfin, moi, je la vois moins comme ça. Pour moi, Georges, c'est elle veut se débarrasser de son père parce que, visiblement, on t'explique qu'il est violent, etc. Mais je le vois pas forcément que pour une histoire d'argent. Je vois plus pour... c'est un mec néfaste, pour le coup, et qui fait du mal à sa famille. Et du coup, elle veut s'en débarrasser. Mais je vois ça plus loin que juste « je veux diriger l'hôtel ». Elle a plusieurs motivations, effectivement. Du coup, c'est pas que l'argent. Non, c'est vrai. C'est non, pas... non, non. Mais je désolé, pense pas que ce soit pas, même ça le rend motif pas principal. Dire, vous voyez, je sais pas si vous avez vu le film, alors je vais changer de sujet, mais Promising ou Young Woman, vous l'avez vu celui-là ou pas? Ouais, non. C'est non. un film qui est engagé, tu sens un film féministe, truc. Là, celui-là, moi, c'est pareil. Alors peut-être parce que je l'avais, de ce que j'avais lu dans les critiques, parce que j'ai été le voir, parce que les critiques étaient quand même très positives. C'était effectivement quand même cette notion de patriarcat. Il faut que tu rappelles le pitch. Parce que... Non, mais le côté du patriarcat en se disant, voilà, il y a cette fameuse homme. D'ailleurs, à part les deux flics à la fin, et qui ont 30 secondes, il n'y a pas un homme tout le reste du film, quoi. Pas un. Oui, oui c'est que Weber. Toutes les scènes, c'est Weber. Et c'est Weber, c'est vraiment l'archétype quand même du mal... un peu le 40, le blanc. Ouais, mais c'est qui une autre... patriarcat. Qui a monté c'est son notre époque. Entreprise. Nerf, quoi. Quelle... 70-naire. Oui, 70-naire. 40-naire, c'est un non, peu plus. Ouais, 40-naire. Non, pas 40-naire. 40-naire, c'est nous, hein, je te rappelle. Plutôt, ouais. 70. C'est vrai, c'est pas faux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, alors après, c'est le film m'a peut-être trompé, il cherche peut-être pas à faire ça, mais je trouve que c'est pas un film qui rend très hommage à la gente féminine, pour faire simple. Par rapport à d'autres films, je veux dire, t'as quand même, en effet, beaucoup de femmes. C'est pas non plus des femmes, des blondes qui servent à rien. Enfin, je veux dire, ça reste une image non, y a des qui vrais est rôles. Un peu plus travaillée avec des vrais rôles qui changent par rapport à. Non, puis en plus, le dire, film. Les 95% des oui, films que tu vas voir au le cinéma. Le film, il n'a pas la prétention d'être féministe. Hein, donc, mais c'est sûr. L'origine du mal. Alors, bon, on va dire que c'est pas le pognon, d'accord, comme vous voulez, même si ça peut. L'origine du mal, finalement, ça reste la famille. Parce que, ah, je crois la femme. Que ce soit Georges, que ce soit la mère, que ce soit la... Tout le monde pareil. Souffre de ça, de la famille. Lui il a eu des maîtresses, il a arrosé tout le monde avec de l'argent parce que c'était dans son truc. Et finalement, il a la famille sur le dos. Elle veut la famille et c'est ce qui va créer le mal. C'est, pour moi, la famille, ça reste... Enfin, c'est la conclusion que j'en fais. Oui, mais t'as raison. Et ça peut-être que ça soulignerait aussi le dialogue avec la petite fille, en fait, qui dit que la famille, on ne la choisit pas. Elle et préfère se barrer. L'origine du mal, c'est la famille. Ouais. Ouais, c'est peut-être la seule, c'est peut-être le seul point de vue, la seule qui est lucide, en fait. Nous ne voyons pas d'autres explications. Elle prend des photos. Bah, c'est la première fois qu'on explique un film. Merci Arnaud. Bah je... T'as finalement, pour une fois que c'est pas écrit sur Wikipédia, tu sors un truc intéressant. Non mais c'est le fait de pas avoir vu le film, du coup j'ai un regard extérieur. C'est vrai. C'est vrai que t'as eu le temps de méditer sur ce qu'on disait. En fait c'est un concept intéressant de parler d'un film qu'on n'a pas vu. J'ai attaqué... Ouais, c'est vrai que tu regardes pas jamais le film, comme ça tu parleras mieux. Je fais à la fois un peu de yoga et du qigong, je me suis mis et du coup ça m'a remis les chakras en place. Alors, on a pas mal parlé du film, on va arriver... en mode tantrique. Ouais, on va arriver au... Maintenant j'arrive avec mon sexe, j'arrive avec ma... Enfin bon, on en parlera plus tard. Petit tour de nos scènes phares, qu'elles soient plus ou moins... Sans phare, humour. Allez, tiens, je te sens chaud, vas-y Arnaud, une petite scène phare. Une scène qui était bien... Ou pas bien, en tout cas une scène qui t'a marqué et que tu trouves... Du coup, ça doit être en bord de mer si c'est un phare. Bah oui. La scène... Non. La scène où il lui balance l'argent à la gueule. Il lui propose l'argent, puis elle dit non. Puis après, il insiste, et puis après, il lui balance. Enfin, il lui met même une... Il la bifle pas, parce que bifler c'est avec le sexe, mais il la bille, je sais pas comment on dit. Il la bille. Et se trouve qu'elle est très très violente, parce que c'est en gros, c'est ce qui m'a le plus fait mal dans tout le film en fait. C'est cette espèce de, ouais, comme si l'argent pouvait être... C'est arrogance. Ouais, c'est pour moi, c'est la vraie violence que j'ai. Le reste du film, il y avait une forme de violence, mais elle était sous-jacente, mais là l'argent, le côté parce que finalement à ce moment-là je pense qu'elle est vraiment sincère, elle s'en fout de l'argent, et là la bascule, elle est là, puis après c'est après cette scène où je crois qu'elle se prend aussi une baffe, non, c'est là qu'il lui met la baffe, ou c'est la continuité du truc, parce qu'au début il tape avec le billet, et après il me semble qu'il lui met la pousse après. Ouais, il la pousse et lui met une baffe, ouais. Et c'est là d'ailleurs, il y a un joli plan là, je trouve, où tu vois Lorca Lamy en contre-plongée assise au sol avec lui en, ouais, en prédateur. L'argent n'achète l'argent n'achète pas la famille, parce que même regarde il va y avoir un décès, où il va y avoir des successions, ça déchire l'argent, les gens vont se battre pour des machins, mais ça, même dans pour les divorces, cafetière CEP qui voilà, vaut 30 balles. Dans toutes les situations, finalement l'argent, c'est, ça te permet juste de rationaliser un peu, c'est un levier, mais c'est pas ça le vrai. Bon, d'accord. Voilà. Merci, c'était ta scène. C'était ma scène. Pierre, ta scène. Alors, du coup, moi, j'en ai une bien, une pas bien. Tu vois, je respecte le thème pour une fois. La bien, c'est la scène au tribunal. Alors, pourquoi j'ai bien aimé? Bon, déjà, je m'y attends. Enfin, je savais pas trop ce qu'il allait dire. Donc, voilà, j'ai été un peu. Voilà, enfin, en fait, moi, j'aime bien être surpris dans les films quand même. C'est quand même. Je regarde un film pour être surpris. Si ça me surprend pas, ou s'il se passe des trucs où je peux deviner tout ce qui va se passer une heure avant, ça va me saouler. Et pour ce film, il y a quand même beaucoup de passages où ça, voilà, je suis un peu surpris et que c'était plutôt pas mal. Et notamment cette scène au tribunal. Voilà, la scène, en gros, bah, tout ce que dit Lorca Lamy, ça, j'ai bien aimé. À ce moment-là, j'étais vraiment dans le film et j'ai bien aimé tout ce passage-là. Notamment où quand elle commence à raconter tout, là, elle est vraiment dans des détails ultra précis. Enfin, elle sort des gros bobards avec tout plein d'émotions. Quand vraiment, il l'a touché, des trucs comme ça. Ouais, tout ce truc comme ça. Elle commence à sortir plein de trucs. Et puis à un moment, t'as un regard sur la greffière à côté qui est en mode bah, qu'est-ce qui vient de se passer, ouais. Genre qu'est-ce qui a été, est-ce que je dois écrire ça, enfin voilà, celle-là j'ai bien aimé. Ouais, et puis en plus elle en rajoute ouais, elle en rajoute parce que la scène d'avant où elle se fait biffer par les billets là, il lui dit ouais, de toute façon c'est la juge, ou alors je sais jamais trop les noms des juristes là-dedans, qui dit ouais, de toute façon c'est une féministe, je sais plus ce qu'il emploie comme terme, encore un terme dégradant. Donc elle dit qu'elle sait qu'elle se retrouve face à une féministe, donc elle en rajoute sur les attouchements, sur le. Ouais, donc j'ai bien aimé cette scène-là. Et celle que j'ai pas aimée, c'est, bah, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la scène de fin, à partir du moment où voilà, les deux femmes elles se battent, je trouvais que c'était pas réaliste. La scène de base, enfin voilà, la scène où elles se battaient toutes les deux à la fin. Clairement paralysée, et la scène où en effet où elle l'amène au bord de mer, on sait pas trop par où elle est passée. Voilà, toute cette partie là, j'ai vraiment pas aimé toute la fin. Peut-être bâclé un peu la fin, t'as trouvé, oui, je sais pas. Oui, c'est ce qu'on disait. Bâclé, je suis d'accord. Merci. Sylvia. Je suis totalement d'accord avec Pierre. Une fois n'est pas coutume. Ouais. Parce que moi aussi, ma scène la meilleure pour moi, c'était celle du procès, et je te rejoins parce qu'en plus, elle commence son discours en étant hyper gentille par rapport au, on va dire, au père. Et tu te dis, mais attends, après la scène qui vient de se passer, donc celle des billets, c'est pas possible qu'elle continue dans ce truc-là. Et finalement, pouf, d'un coup, t'as le changement d'attitude avec le « mais », en gros, je peux pas laisser faire passer ça, où elle raconte... plein de trucs à moitié faux. Et je trouve que ouais, cette scène, elle marche vraiment bien. Et pour le coup, je ne m'y attendais pas non plus. Et puis oui, la fin, la bataille, notamment l'essence, tout ça, c'est... Ce que je te disais tout à l'heure, ce fait qu'on est surpris du discours qu'elle va dire, c'est que les personnages du film ont toujours un temps d'avance sur le spectateur, en fait. C'est pas le genre de film où les mecs ils t'expliquent, alors on va faire comme ça, après on va faire comme ça et on va faire comme ça. Et quand ils font l'action, bah, ça a déjà été expliqué avant. Donc, mais dans l'agent souris, ils t'expliquent et ça se passe jamais comme ils avaient prévu. Oui. Hein. Bon, après c'est le. Bon, et toi, Seb ? Bah, je vais pas être trop original sur la bonne scène. Allez, Seb, tu nous as habitués. Non, mais parce que je partage, c'est le seul enfin, c'est pas le seul moment, mais le film il monte. T'as cette surprise et pour moi c'est presque l'apogée. Et si ce n'est qu'avant, je trouve c'est dommage que le père ait été violent. Mais j'allais dire que d'un l'un dans l'autre, ça explique malgré tout cette scène-là. Donc, mais c'est après pour moi que le film chute, donc ça c'est le bon point. Et bah, en fait, quand Antoine en a parlé la dernière fois, moi je l'avais vu il y a un an. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait pas mieux, j'étais pas préparé. Antoine, tu parles du film, et la scène qui me restait de ce film, c'est à la fin, c'est ridicule avec le téléphone, en fait. J'avais ce souvenir, et je pense que malheureusement, ce qui me restera de ce film, c'est de dire, ah ouais, mais à la fin, elle était ridicule. Et c'est dommage, parce que toi, sans travailler, sans réfléchir à me dire qu'est-ce qui va me rester de ce film, c'est réellement ce qui m'était resté, alors qu'en le revoyant, à nouveau, j'ai repris un plaisir sur cette première heure, et je me suis dit au deuxième visionnage, tiens, peut-être que je vais être moins dur, en fait. T'as pas vu les mêmes choses, en plus. Du coup, t'as dû voir plus de détails. Oui, mais j'ai vraiment appris... Franchement, je trouve que le film est excellent la première heure, je maintiens. Et c'est... Mais par contre, la fin, je la trouve toujours aussi bâclée, ridicule. Ouais, pour moi, ça effondre le mythe. Donc voilà, cette fin... Donc je rejoins Sylvia et Pierre sur ce sujet de la tu fin. L'as, tu l'avais vu au cinéma, en fait. Ouais, j'avais vu au cinéma, moi. Ouais. Belle conseil de vie pour plus tard. Si un jour tu tues quelqu'un, ne garde pas son téléphone dans ta poche. Ouais. Ouais, ouais, ou je le mets en silencieux, enfin je sais pas. Au moins, ouais. Si t'as pas le code, tu rentres comment dans le téléphone de toute façon? Ouais, tu enlèves la batterie et tu l'éteins. Et il reste Antoine pour les scènes, la scène. Bah, moi c'est plus des plans en fait. Ah, il aime bien des plans, ne pas répondre à la question. Utile ou inutile les plans? Des plans que je trouve jolis, qui disent des choses. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand elle lui propose de venir s'asseoir dans ce canapé. Mais c'est réellement ce qui va te rester du film dans 5 ans? Ouais, dans 5 ans j'en sais rien, ça se trouve je l'ai oublié. Je caricature, mais là tu parles d'un plan que t'as aimé, mais... Si, après, il y a un plan qui m'a fait rire parce que c'est pas du tout dans le style du film. C'est que quand elle se fait appeler la deuxième fois, je crois, par Jacques Weber et qu'elle prétexte à son patron, à sa chef, que sa chef, d'ailleurs, c'est une femme, c'est vrai, là aussi, que son père va mourir d'un AVC. En fait, t'as une espèce de. Elle se la joue un peu star. Elle enlève sa blouse, il y a le vent, il y a comme si c'était un peu. Comme si elle était sur un podium, et, bah, qu'elle défilait, et puis en fait, d'un coup, se tape un gars de sa boîte et. Ouf, elle redescend de son nuage, ouais. Elle redescend de son nuage. D'ailleurs, elle est, effectivement, quand tu. Arnaud, tu fais peu d'interventions, mais. Parce qu'elle est dans la brume, là, tu sais, il y a de la fumée, il y a de la. Donc, effectivement, ouais. Tu peux voir ça comme elle redescend d'un coup de son nuage. Et voilà, j'ai aimé cette scène. En tout cas, on peut pas te reprocher pour une fois de pas avoir pris un film qui répondait au thème. Par rapport au pull orange, une fois là. Ouais, non, attends, ça me rouge. Rouge. Là, ça répond bien au là, thème. Là, pour une fois, tu es parfaitement dans le thème, donc c'est à ton crédit, Antoine. Merci d'avoir joué le jeu. Non, puis je crois que j'ai un beau succès. Je crois que j'ai jamais eu autant de succès pour un film. Voilà, alors maintenant le verdict. Pour rappel, alors il y a deux échelles. Hein. Alors le nombre de plans inutiles, si on le note, ça va faire mal. parce qu'il y a aussi la scène, j'ai pas compris quand elle s'évade, mais passons, il n'y a pas besoin qu'elle court. C'est un hommage à Tom Cruise. Ouais, sûrement. Donc, à noter une nouvelle rubrique, le plan insulaire. Voilà, le plan qui sert à rien. Le plan insulaire. Alors, sur quoi vous recommanderiez ou enfin, je sais plus comment. Essaie ça de faire se dit. Quel support le regarder? Ouais, quel support? C'est moi qui suis fatigué. L'écran du voisin dans l'avion, son téléphone portable sans 5G. Le Blu-ray 4K Dolby Vision, la séance de cinéma, à vos rêves. Tu l'as vu sur deux supports, bravo. Moi, je l'ai vu sur deux supports, exactement. Parce que je favorise le cinéma. Voilà, allez, on va démarrer. On va démarrer par moi, tiens, du coup. Hein, charité bien ordonnée. Eh ben, je trouve que c'est un film qui se laisse regarder à la télévision. Là, je l'ai revu à la télévision. C'est moins bien. Eh ben non, j'ai passé... je l'ai vécu finalement pareil qu'au cinéma. Toi, le cinéma m'a pas apporté une dimension supplémentaire. Arrête. Non. Pas le croire. Moi j'ai enchaîné et je suis entièrement d'accord avec Antoine sur ce point où en effet si on respecte purement la notation, le cinéma je trouve à mon humble avis n'apporte rien, je pense. Ah, alors, je sais pas besoin, y a pas, t'as pas besoin d'un écran spectaculaire, d'un son spectaculaire. Attends, t'as vu comme il y a la richesse dans les décors justement? Bah oui, mais je pense qu'un grand écran télé, alors on parle pas d'une télé cathodique de 20 pouces, on parle d'un grand écran de télé de 70 pouces, chez toi tranquillement, ça c'est très bien. Ouais, moi aussi je valide la télé. Voilà. Je me pose la question, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais le fait que ce soit sur une île, le côté insulaire, le côté un peu isolé, tout ça, je pense qu'une salle de cinéma, ça peut apporter ce côté un petit peu seul. Oui, mais, seul. Non, mais attends, tu n'as pas compris le système de notation, c'est qu'en gros, tu ne peux pas aller voir quelqu'un en disant « Ah purée, ce film, tu ne l'as pas vu au cinéma. Oh, ah ouais, mais ça n'a rien à voir. » Toi, Gravity, le mec, tu lui dis « Non, non, mais regarde pas sur ta télé, va au ciné, te démerde-toi. » Là, celui-là, oui, la personne... Oui, mais tu peux pas, tu peux... Le problème le dans cinéma ce est façon forcément penser... mieux. Non, mais là, c'est pour noter. Non, mais pour moi, le cinéma, c'est le film exceptionnel. On note pas le média, là. Évidemment, le cinéma, c'est toujours la meilleure façon de voir un film. Je vous rappelle qu'on note le film, là. Donc, est-ce que c'est le film? Tu dis, mais celui-là, démerde-toi, trouve une salle qui le repasse, fais du lobbying auprès de Pathé. Oui, faut absolument, c'est au cinéma. Quand on parle du cinéma, on parle d'une expérience. Voilà, exactement. Donc, là, maintenant, vous oubliez ça. Le film en lui-même. Est-ce que, voilà, eh ben, moi je dis passe à la télé, oui, tu peux le regarder. Voilà. Voilà. Pierre aussi, Sylvia aussi. Ouais. Maintenant, ouais. Toi Arnaud, qu'est-ce que tu dis? Oui, écoute, moi je l'ai vu sur. À la télé? Je l'ai vu sur mon écran, là, ben, sur voilà. Mon canapé. T'étais heureux? Il y avait le chat qui. Ouais, non, j'étais dans une bonne ambiance. Eh ben, tu vois, c'est pas mal. On va être un record d'Antoine, il a déjà 4 télés. Et j'ai trouvé. C'est le millionnaire, hein. Là, 4 télés, tu vas tourner là-haut. Attends, j'ai. Après. Attends, il n'a pas fini de parler encore, Arnaud. Il va peut-être. Et Antoine peut désinguer son propre film. Oui, c'est vrai aussi. Que c'est arrivé qu'Antoine désingue un film alors que nous, on était ceux qui ont été. Alors, sans être positif, on n'est pas forcément ultra négatif pour une fois. Bon, bah, la télé, j'ai retenu. La télé. Et Antoine? Moi, le ciné. Le ciné. Le ciné, parce que comme je vous disais pour mes recommandations, c'est que moi, c'est des plans qui me restent et la richesse de ce salon-là, avec il y a tellement de choses à voir, je pense qu'à l'écran. Oui, mais alors, tu vois, le problème du ciné, c'est que tu peux pas dire pause. Tu vas faire pause. Tu peux pas faire exactement, tu vois, Pierre, on se rejoint. Ça vaut mieux un Blu-ray 4K, tu fais pause et tu observes tous les détails dans la maison. Au cinéma, tu es beaucoup plus attentif. Tu t'endors dans ton salon, tu t'endors pas au cinéma. Si, moi, je m'endors. Alors, j'ai déjà réussi. J'ai réussi à m'endormir au cinéma. Moi aussi. Pas devant Oppenheimer, moi, je m'endors au cinéma. Réussi. Il était un peu dans le noir. Oppenheimer, il fait 3 heures. Tu peux dormir, c'est pas un souci. Mais non, du coup, même en plus, c'était 30 degrés et j'ai même pas dormi. On change pas de sujet. Alors, avant de passer à nos recommandations, on va faire le tirage au sort. Et donc, saison 1, qui je crois qu'on l'a jamais eu. Qui a 24 épisodes. Et ça sera l'épisode 13, et c'est celui qui fait des descentes dans les douches. Ah, bah là on est sur... Aïe, aïe, aïe. Effectivement, Pierre, je propose que ça soit maintenant, Pierre, que nous changions le système de choix des films, parce que... Ah, moi, je pense à ça, de Stephen King. Ouais, moi, je pense à Trainspotting, mais c'est pas une douche. Sauf que j'ai pas aimé les deux films. Et donc Psychose, vous avez pas aimé Psychose? Ah oui. Et eh ben aussi. Bon. Psychose, ça marche aussi, ouais. Bah, bon courage. Celui qui fait des descentes. Psychose, il rentre. Alors, ouais, c'est marrant, en anglais, c'est celui avec les seins. Dans les Blues Brothers aussi, il y a une scène de douche. Et boobs, ouais. Ouais. Boobies, ouais, c'est le mot mignon, c'est Friends. Hein, mais. Et ouais. Et ben. Il faut que je le revoie l'épisode quand même pour comprendre, essayer de. Comme ça, ça me parle pas du tout. C'est vrai que toi, tu regardes l'épisode. Oui, j'aime bien regarder, ça m'inspire en fait. Donc, je regarderai l'épisode de Friends. Bon, eh bien, on va passer à nos... Est-ce qu'il y a un épisode de Steven Seagal où il est plombier, sinon? Ouais, mais... non, Steven Seagal n'a pas besoin de se doucher, il n'est jamais sale. Ah oui, Super Mario, tiens. Super Mario. je trouverai. Alors, on va passer à notre petite phase des recommandations, actualité du moment. Alors, rigueur, ça peut même être en négatif, mais en gros... Ou pas du moment. Ouais, enfin, du moment... Non, mais ça peut être un moment où vous lisez un bouquin qui a 20 ans, mais votre actualité du moment. Alors vas-y Antoine, je te sens chaud. Donc moi c'est mon marronnier, hein. Chaque été c'est la même chose, nu et culotté. Voilà. De quoi? L'émission sur France 5, nu et culotté. Ah c'est quoi, ça parle de quoi? Des mecs à poil qui se battent dans partout. C'est ça, c'est deux gugus qui partent nus et qui, Moutz et qui sont très culottés apparemment. Alors je sais très bien que tu n'aimes pas cette émission Arnaud. Non, c'est pas l'émission que j'aime pas. Oui, c'est les deux gars, je sais. Non, c'est le, voilà, c'est le principe. Ça revient chaque été, donc ils en sont à la saison 10, mais il y a 3 ou 4 épisodes par saison, donc ça va. Ils tournent pas ça l'hiver, je comprends si, pas. Si, ils tournent ça l'hiver, ouais. Donc là, par exemple, la saison, elle a juste 3 épisodes. Alors, ce qu'il y avait de différent par rapport aux saisons précédentes, c'est qu'il y avait les deux premiers épisodes font 1h30, alors que d'habitude, c'est plus 50 minutes. Le dernier épisode, bah, il est diffusé là, aujourd'hui. Donc la formule, on la connaît, hein, voilà, ils partent avec rien sur le dos et puis il faut qu'ils se fassent, ils ont un objectif, il faut qu'ils atteignent leur objectif en juste en comptant sur la générosité des gens, la bienséance. Ouais, c'est ça. C'est Pékin Express, quoi. Si tu veux, c'est la version low cost de Pékin Express. La version intello de Pékin Express, quoi. Non, c'est pas un intello, non, il y a un intello. Mais j'irai squatter chez vous. Hein. J'ai envie de te dire que c'est quand même beaucoup plus à gauche que Pékin Express aussi. Ouais, je connais pas Pékin Express. Ils ont pas d'argent à la fin, quoi. Pas d'argent. D'accord. Après, allez Arnaud. Deux recommandations. Une que je viens de finir, c'est la série qui s'appelle Silo. Ah, il paraît que c'est super. C'est ma série pour cet été, ouais. Les bouquins, ils sont bien, il paraît. Je pense que les bouquins sont mieux que la série. Moi, je suis amoureux de Rebecca Ferguson. Ah. Hein, du coup, je sais pas. Mais au-delà de ça, ça m'a bien plu. En tout cas, ça m'a. Il paraît que c'est un peu long au début, mais que ça monte en puissance. Oui, un peu. Puis au début, ça démarre un peu sur un. Il y a une espèce de fausse piste au début, mais après, ça redémarre dans autre chose. C'est toujours un peu. À la Lost, il y en a qui disaient aussi. Je pense que j'ai vu trop de choses. J'ai lu trop de choses. Du coup, j'ai peut-être découvert des. J'ai anticipé des trucs à l'avance avant que ça se passe. Mais malgré tout, ça, j'ai passé plutôt un bon moment. Et un film que je n'ai pas vu. Ah. Mais du coup, je vais juste mon désir. C'est un film hongkongais qui s'appelle Limbo. Ah, il paraît que c'est terrible, ça. Voilà, je ne l'ai pas vu, mais je pense que. Que c'est assez violent. Ouais, je pense qu'on va aller le voir avec Seb. T'es libre, jeudi ? Non ? Ah non, merde, je bosse. Alors, je sais, bon, faut qu'on se trouve un moment pour aller le voir, mais je pense que Limbo, ça peut être vraiment un bon. Bon, après, il le compare. Tu l'as pas vu, alors ça va être dur d'en parler, mais d'accord, Limbo. Bon, j'ai pas besoin de voir les films, hein, tu as bien vu, là. T'as bah bien vu l'origine du monde. Ah oui, c'est vrai. Filme-moi une fiche Wikipédia. Moi, c'est vrai que c'est un art où t'es pas. C'est un métier, on va dire, c'est un métier. Non, mais c'est effectivement, tu y excelles. Sylvia, je le sens, elle est chaud bouillante. Ce sera pas vraiment une recommandation, mais plutôt un truc à pas faire. On a été voir Mission Impossible dans une salle 4DX. Je vous avais prévenu. Ouais, je vous avais dit aussi. Hein. Oui. Et ben franchement, j'ai trouvé ça pas bien. Je trouve que ça te sort du film. Oui, je suis d'accord. Et que je suis sûre que j'ai beaucoup moins apprécié le film à cause de cette salle que si je l'avais vu dans une salle de ciné vomito. Normale. Non, mais je te le compte. Et pour du la coup, modique somme de 15 balles par personne. 25 euros ? 20 euros la place. 20 euros ? 20 euros la place. Ah ouais. Oui, parce que 15 euros, c'est le prix d'une place normale, Seb, quasiment. J'ai payé 14 euros. Ah ouais, t'as payé 14 euros. On savait, hein, on savait. Ah, mais venez à Voreb, c'est pas cher. Surtout si c'est moi à la caisse. Non, mais en fait, Antoine, il avait envie de tester. Bon, bah voilà. Il faut le faire sur un truc d'une demi-heure. Je l'ai fait sur Top Gun, moi. Et pourtant, Dieu sait que j'ai adoré Top Gun. Et franchement, à part 2-3 scènes qui étaient marrantes, moi, je suis d'accord que ça te sort du film, en fait. C'est ça. Et franchement, alors, c'était très bien en futuroscope. Voilà. Pour faire ce genre de truc, il fallait au futuroscope, oui, où c'est des films qui sont faits pour ça. Bah, ça dure 3 minutes au futuroscope. Oui, mais du coup. Enfin, moi, je me souviens, alors c'est très très vieux, mais c'était, t'étais dans un train de la mine là où t'avais les descentes, etc. Et ça marchait super bien. Mais parce que c'est conçu pour. Ça fait parc d'attraction, mais voilà, mais c'est effectivement, ça. Effectivement, quand les mais mecs, sur quand, un pendant film... 20 minutes, ils se parlent, et qu'à un moment, t'as un courant d'air, tu dis, bon, pourquoi c'est le mec qui m'a postillonné dessus, j'ai une goutte d'eau, enfin, je veux dire, c'est ridicule, quoi. En plus, l'odeur était la même tout le film, donc il n'y a aucun intérêt à mettre des c'était odeurs quoi, dans un cinéma. Je ne saurais pas dire. Enfin bref, ça m'a un peu gâché le film et je trouve ça dommage. Oui, d'accord. Tu sais, c'est purement mercantile ce truc. Bon, alors après, malgré ça, on peut se poser la question quand même, c'est est-ce que Mission Impossible est un bon film ? Alors, qu'est-ce qu'un bon film ? Alors oui, alors j'irai pas, ça veut pas dire grand-chose. Mais moi, c'est ma finalement, bah, alors, je sais pas Pierre, à moins que tu aies un truc à rajouter, mais moi, vu que je parle de Mission Impossible, à mon grand désarroi, je ne vais pas recommander Oppenheimer. Donc je vais me rabattre sur un des derniers films que j'ai aimé au cinéma. C'est justement Mission Impossible. Ce n'est pas des grands films, hein, mais c'est des films déjà qui sont faits avec application. C'est-à-dire que le nombre de films qui sont dégueulasses ces derniers temps, moi, j'en peux plus. Visuellement, ça me sort par les yeux. Moi, Indiana Jones, les Marvel, les trucs comme ça, c'est dégueulasse. Bah, lui, c'est pas dégueulasse. Et après, j'ai ce que je paye. En fait, c'est comme si je vais dans un resto où je me dis, tiens, moi, j'aime bien ce genre de plat et tout. Et ben j'y vais et j'ai le plat que je veux. Donc j'ai pas une surprise. Le prix c'est psychologique, hein. De quoi tu payes Non mais le prix je m'en fous, je paye pas. Enfin je paye pas. Je suis abonné. Alors, tu viens de dire j'ai le prix par rapport à ce que tu payes. Tu viens de non dire mais ce que je veux dire c'est que j'y vais en me disant je vais avoir du Mission Impossible et j'ai du Mission Impossible. On nous ment pas sur la marchandise en fait. Exactement. Et alors, j'ai été voir Indiana Jones, j'ai pas eu Indiana Jones. Je vais voir des films de super-héros. T'as pas eu Indiana Jones ? Non, j'ai pas eu Indiana Jones. Mais attends. Bah tu t'es trompé de salle. Attends. Alors peut-être. Mais t'as vu Indiana Jones vieillissant, tu l'as vu, il était autre. Il était professeur. Tu l'as vu comme tu l'aurais jamais vu. Et je vais vous dire, il y a un truc qui gâche le film et je comprends pas, mais c'est la com de Mission Impossible depuis déjà 5-6 films, c'est qu'en fait on avait déjà vu toutes les grosses scènes, quoi. Et je trouve ça ultra dommage parce que je pense que la scène où il saute en moto, dans le film, tu connais pas. C'est-à-dire, tu vois le film dans un an ou deux ans, t'es pas au courant et tout. Tu dis, t'as quand même le mec. Enfin, je trouve ça marrant la façon dont il l'amène. Or là, comme de toute façon, ils ont communiqué là-dessus. C'est, en fait, le problème, c'est ça, c'est que la communication, elle est plus autour de Tom Cruise qui fait sa cascade, oui, que le film. Oui, mais attends. Et je trouve que ça dessert le film. Mais non, il communique sur le fait que c'est lui qui a fait la cascade. Si tu vois le film et que tu n'es pas au courant, tu te dis, mais oui, bah, il y a un trucage. C'est lui qui fait tout. Oui, mais pas là, au moins. Je suis désolé, dans le dernier Mission Impossible, celui d'avant, ils avaient communiqué en disant il court à contre-courant, il fait sa moto à contre-courant autour de l'Arc de Triomphe et il s'est pété la jambe en sautant à Londres. Sauf que dans le film, au dernier moment, il tombe d'un hélico et ça, tu le voyais pas dans la bande-annonce et ils avaient pas communiqué. Du coup, la scène t'en prenait plein la gueule parce qu'il y avait cette scène en plus. Là, bah, en fait, les trois grosses scènes de la voiture, du train et du saut, bah, on l'avait déjà été spoilé. La voiture, tu parles de celle de la Fiat 500. Ouais, mais en fait, dans la bande-annonce, tu savais que c'était une petite bagnole de merde, alors que dans le film, t'as l'impression qu'il va avoir une grosse bagnole. T'imagines un peu le cliché à la James Bond, quoi. En fait, il a un pot de yaourt électrique. Bon, en plus, la scène, elle est assez marrante, parce qu'à un moment, ils font des tonneaux, ils se retrouvent avec l'histoire, ils sont... Ah bah là, t'as un pur moment de cinéma, ouais, aussi, c'est dans cette scène-là. C'est génial. Non, mais la mise en scène, elle est top. Et moi, franchement, bah, moi, j'y réfléchis, je pense que je vais retourner le voir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film une deuxième fois. Mais autant le premier coup, je l'ai trouvé un peu complexe, l'histoire de cette intelligence artificielle. Et les trucs, à un moment, je trouve... Qu'est-ce qui est complexe ? Je le trouvais verbeux, le film. Et au final, j'ai passé un super moment. Et puis le méchant, il est pas... Le méchant, c'est l'intelligence artificielle, non. C'est ce qui m'a perturbé. Oui, non, mais le non, serviteur... C'est un sbire. Il est assez... Oui, mais on s'en fout de lui, c'est pas le méchant, finalement. Bah, et moi, oui, j'ai une théorie. Il représente... Alors, j'ai une théorie. Bah, parce si, que il partie... est quand même un peu méchant. Il fallait bien que ça arrive un jour. Oui. Alors, j'ai une théorie, je vous la donne, comme ça, je prends acte de ma théorie. C'est que du coup, il affronte une intelligence artificielle. Et je pense que là où il va la battre, c'est qu'il va faire la cascade de son prochain film, un truc qui statistiquement n'était pas possible, et il va le tenter. Et c'est. Voilà. C'est mon pari. Ah, c'est comme dans Top Gun, quand il doit remonter. Exactement. Là, le truc qui est mathématiquement et physiquement pas possible. Exactement. Moi, je pense que ça va être sa façon de battre. Et Tom Cruise aura battu l'intelligence artificielle au sens où il aura déjoué les statistiques. Je sais pas, j'ai envie de... Je crois à cette théorie. Je sais pas si ça sera vrai, mais je vous la donne. On va pas le savoir tout de suite, hein, vu qu'il commence déjà plus, à dire que ça, 2024. Ouais, c'est ça, que ça va être il aura 70 ans. Ça va être Indiana Jones quand il va sortir le film. J'ai juste des petites remarques sur Mission Impossible. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non, t'as le droit. Quand tu trouves que c'est joli, ouais, c'est moins moche que du Marvel et j'ai pas vu les derniers, mais on est d'accord que la scène d'ouverture dans le désert, elle est pas belle. Hein, tu vas pas me dire que ça c'est beau. En plus, tu reconnais rien, ils sont tous habillés pareil, tu sais pas qui est le gentil, tu sais pas qui est le méchant. Enfin bon, c'est non, mais ça là, fait pas écran bleu, scène, t'es d'accord haut. Non, ça fait pas écran bleu, mais ça fait pas beau. Et après, la fameuse scène de la cascade. Oui. Parce que tu vois, alors je suis exactement ce que la personne dont tu parlais, c'est que j'ai vu aucune bande-annonce. J'étais au courant du train et j'étais au courant de la moto. Je les avais vus. Je sais pas comment, parce que comme je vais peu au cinéma, je vois peu les bandes annonces et je suis pas du style à aller sur voir TikTok, les sur internet. Oh, sûrement, ouais, sur le, je sais pas quel compte, mais et en fait, eh ben, quand tu vois la moto, effectivement, tu la vois arriver quand le gars il te dit ah mais va tout droit là avec ton GPS, ah bah c'est une montagne, bon tu sais que le saut il va avoir lieu, là, il dit ah mais attends faut que je prenne de l'élan, tu sais le cadre te montre le pic en arrière-plan, tu dis bon bah c'est là qu'il va aller, tu vois bon. Mais c'est surtout que moi, j'ai vraiment l'impression de voir de la PlayStation, en fait. Hein ? Ah oui, le trucage en moto, quand il part en moto, comme dans les scènes de train, moi, je vois de la PlayStation. Fin... Mais alors, attends, qu'est-ce que t'appelles voir de la PlayStation ? Eh ben, c'est que tu vois que c'est de l'image de synthèse. Mais non, c'est pas de l'image de synthèse. Bah, bien sûr que, enfin, moi, franchement, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que... Non. Bien sûr que si, non, c'est de l'image de synthèse. Non. Parce que tu les as vues, les scènes de trucage. Oui. Tu les as vues, les scènes de la rampe. Ont refait, tu vois bien c'est qu'il y a rampe une en rampe. Bois. Mais oui, mais ils ont refait. Bah ouais, mais franchement, je le vois. Tu vois, et le film... T'es bon parce qu'en 4DX, alors que t'es secoué dans tous les sens, toi, t'as vu les 4 pixels d'effets spéciaux. Moi, franchement, c'est pas les... je pense qu'il y a plus que 4 pixels. Parce que quand tu vois le trucage, tu vois qu'il y a une belle rampe. Et tu vois qu'ils ont tout caché. Et comme la scène ouais, du train... Ouais, mais franchement, tu l'avais vu. Moi, je l'ai pas vu. J'avais rien vu sur le film. Et je me suis pas dit, oh là là, la scène, elle est truquée. Tu vois, ça m'a pas sauté aux yeux. Mais j'avais rien vu avant. Non, mais t'as pas vu... Non, mais sans rire, Antoine, t'as pas vu les derniers Marvel, les derniers Indiana Jones. Non, je les ai pas vus, mais c'est pour ça que... Plus l'écran bleu. Ça pue. Non, mais en plus, il y a des problèmes de mise en scène chez les Marvel où c'est l'impression de voir une série tellement il n'y a pas de mise en scène. Là, je suis désolé, à Venise, tu vois qu'ils sont à Venise, quoi. Mais à Venise, par exemple, tu vois, là, moi, j'étais très déçu de la scène. La scène d'action, elle est super. Ah, bah, elle est géniale. Ah, mais moi, je l'ai adorée. Moi, j'étais déçu. Elle est oppressante. Mais ouais, mais il n'y a rien, ils en font rien. Mais si, elle est oppressante. Et en plus, tu sais que ça va mal se vous passer. Vous parlez de quand il se tape dessus avec un bout de métal, ouais, là, on est d'accord. Elle a un côté... Là, quand tu sais, il... Elle est oppressante, cette scène. Ouais, je sais pas. Moi, tu vois, je serais pas comme Sylvia à dire oh, c'est la 4DX qui m'a fait sortir du film. Bon, enfin bon, t'as le droit. Mais moi, en tout cas, c'est ma recommandation. C'est... Et après, il y a la scène du train. Alors oui, quand t'as joué, mais bon, alors, ça... Je suis d'accord que c'est un hommage à Uncharted, mais tous les films s'inspirent d'autres. N'empêche que c'est bien fait. Alors moi, il y a un truc, c'est que dans celui d'avant, c'était Fallout, c'est ça? Il y avait déjà cette verticalité avec l'hélicoptère, machin. Et là, j'ai l'impression qu'il nous refait la même. Alors, c'est très bien, il maîtrise la verticalité. Non, mais là, il y a un côté Uncharted. Mais parce qu'il a un côté Nathan Drake. Mais voilà, je pense que c'est une sorte d'hommage aussi. Moi, j'avais beaucoup aimé celui de Paris. Il faudrait que je le revoie après avoir vu celui-là. C'est que moi, les 3 derniers Missions Impossibles, je suis incapable de dire dans quelle scène. Tu vois, par exemple, la Veuve Noire ou la Veuve Blanche, là. Je sais qu'elle était toi, elle était là. Je pense que ça doit être un personnage principal. Je l'ai complètement oublié. Et je suis incapable de dire dans quelle scène est tiré de quel film, en fait. Oui, mais bah moi je suis capable. Mais bah, c'était ma recommandation. Et bon, voilà, c'est un film d'action. On va passer à Pierre maintenant. Pierre ? J'ai pas vraiment de recommandation. J'ai essayé, mais. J'ai essayé d'aller voir Oppenheimer. Mais non, on n'a pas essayé, on a réussi. Non, mais attendez, Oppenheimer, vous êtes déçu du film ou de ce que vous pensiez voir ? C'est là où parce c'est que vous avez dit tout à l'heure que c'était quand même un bon film. Un film de Nolan. Voilà, exactement. Voilà. Moi, je suis comme Pierre. C'est... Mais parce que c'est pas ce que vous attendiez ? Oui. Parce que c'est pas ce qu'il a fait. Pour moi, c'était la quintessence. C'est ça, c'est un peu comme le Indiana Jones. Tu voulais revoir un Indiana Jones jeune qui refait encore des. Je voulais voir un film de Nolan qui m'avait fait la même chose que les films de Nolan d'avant. Dans tous les films de Nolan d'avant, j'ai eu un certain. Certains sentiments à les regarder, certains plaisirs que j'ai jamais retrouvé dans Oppenheimer. Alors j'ai vu un bon film, mais qui ne m'apportait pas du tout. En fait, chose, on te dit pas que c'est Nolan, tu le sais pas. En fait, tu vois, on pourrait dire tiens, c'est Spielberg qui a fait un film sur le président Lincoln ou sur le mec du FBI. C'est un biopic. Non. Quelle est la touche de Nolan là-dedans? Tu la vois pas? Non. Bah, il y en a pas. T'as pas vu il film, a fait un film à Oscar. Moi, je pense qu'il y a une frustration. Non. Il veut un Oscar et il va l'avoir. Tu rigoles. L'utilisation du son, justement, de la musique. Pour la scène, les scènes, la scène du procès à la fin et la musique à fond sur chaque. Ça, si c'est pas du Nolan, c'est-à-dire qu'il appuie le propos, il monte dans le paroxysme, on est étouffé. On retrouve c'est Zimmer, non, non, c'est Ludwig Göransson qui a fait la musique. Le côté Inception, le côté. Allez, vas-y, il en met encore un coup, il remet une couche dessus, il met de la temporalité sur la temporalité. Moi, mais comme ça, il envoie Bah, ça, c'est Nolan qui le fait tout le temps. Je suis le premier fan de Nolan. Je trouve que pour une fois, il a complexifié la façon de raconter son histoire, mais ça n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il met dans le désordre, il y a un côté un peu JFK, des images en noir et blanc, des images d'archives, c'est verbeux, il y a un procès, enfin c'est pas vraiment un procès, c'est une élection, mais finalement qui ressemble à un procès dans sa mise en forme pour un sénateur, là pour Robert Downey Jr. Après, il y a un truc qu'on peut noter, c'est par contre l'acteur, il est parfait. Cillian Murphy, le maquillage, le jeu. Sa maigreur, ouais. Tout est parfait hein, dans le jeu, c'est juste que le film. Voilà, j'ai appris des trucs, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'il y a plein de trucs que je connaissais pas, mais j'aurais vu un bon reportage sur France 5 ou sur Arte ou je sais pas quoi, je me serais dit, tiens, j'ai appris comment ça avait marché, mais... Mais finalement, vous auriez vu ce film, et vous auriez dit que c'était de quelqu'un d'autre que Nolan. Eh ben, j'aurais dit c'est un bon film, j'aurais dit, oh putain, j'ai vu un super film, vachement intéressant. Mais si tu veux, mon Dieu vivant a fait un bon film. Ah, oui. Alors là, je quand tu dis que t'aurais vu un reportage... sur France 5, pas sous la forme sous laquelle tu l'as vu, non ? Oui, non. Parce mais... que les reportages de France 5, ouais, c'est quand même pas du cinéma non plus. Non. Ouais, mais ça rien il a exagéré un petit oui, peu. Oui, mais en fait, qu'est-ce qui me reste du film ? Il me reste ce que j'en ai appris. Et du coup, ce que j'en ai appris, bah, j'aurais pu le voir ailleurs. Ouais. Tu vois ce que donc je veux si dire ? Je t'entends bien, c'est pas de la bombe, ce film. Mais non, mais c'est pareil. Ils nous ont... Toi, même Nolan, tu vois, je me méfie de plus en plus de la communication. Même Nolan, oui, j'ai fait la bombe atomique sans effets spéciaux. Ouais, non, mais d'accord, mais en fait, elle est nulle, l'explosion de la bombe atomique, elle ressemble à rien. C'est un bout de briquet qui est zoomé. Non, mais je caricature, mais c'est genre... Oh, elle est bien faite, elle est bien faite. Oh, elle est bien faite, tu vois rien. Limite, elle est mieux faite à l'intro du film où tu vois une boule de feu qui se propage, tu sais pas trop ce que c'est, alors tu te doutes. Mais le... en fait, t'as le climax du film. À un moment, tu te dis, ça y est, c'est l'essai de la bombe. Moi, je me suis dit, putain, c'est le moment, je vais couper ma respiration, les poils qui se dressent et tout. Et ben non. Et donc toi, Arnaud, tu l'as vu, le film ? Ouais, ouais, je l'ai vu. Et t'as aimé, non ? Alors moi, je l'ai vu dimanche à la séance de 13h au club. C'était pas une très grande salle, mais on était 12. Donc, bonne condition, la clim. Au bout de 2 heures, j'ai commencé un petit peu à bouger sur mon siège, mais pas avant. Donc, c'était plutôt non, mais possible. Le film est bien. J'ai pas, moi, je me pas suis pas dit que j'allais piquer du nez, franchement. J'ai pas piqué non. du nez. Et il a quand même... il arrive... Enfin, je trouve qu'avec un biopic, parce que ça peut être très chiant, un biopic, souviens-toi de JFK ah, oui. ou machin, et ben, je trouve qu'il arrive à il met sa patte, justement, il arrive à te... Non, mais tu t'ennuies pas. Attends, non, mais laisse-moi pas. Il met une pièce dans le truc avec la musique, avec sa mise en scène, avec sa façon de... Bon, son découpage, il est peut-être discutable, mais je trouve qu'on est quand même... on suit le personnage avec ses contradictions. Je trouve qu'on est dans la tête du personnage. Il se fait manipuler. Après, on essaie de le désavouer. Et il y a toujours la... Je trouve que sur les scènes importantes, il est là. Et il est là et on comprend bien le truc. Et après, après, il y a peut-être le côté moralisateur... la bombe atomique, machin, les morts, il y a ce côté. Je trouve qu'il y a la scène, il y a une scène, d'interrogatoire. Vous l'avez pas vu les autres ? Bon, je spoil, c'est pas. Non. Il y a une scène d'interrogatoire où il ose, enfin, il parle de sa maîtresse ou je sais pas, il pense à sa maîtresse et ils sont, il est nu, il est mis à nu par ses interrogateurs, je sais pas comment le tribunal d'inquisition et il est nu. Et à un moment, la fille est sur lui et ils sont en train de faire l'amour. Enfin moi je me suis dit, waouh, bah c'est bien Nolan. C'est vrai que c'est la première fois qu'il mettait du sexe. Je me suis dit qu'il et cette, je dis pas, ça m'a pas mis la trique non plus, faut pas déconner. mais ça m'a, je veux dire, ça m'a, après, ça mal, m'a titillé. J'ai trouvé qu'elle est, j'ai trouvé non, que la plus, scène elle était, jolie, l'actrice, j'ai trouvé hein, que Florence Pau, elle est jolie quand même. Et je trouvais qu'il était à nu et il nous met le personnage à nu et c'est exactement la sensation qu'on. Non mais en fait, avec Pierre, ce qu'on dit, le film il est très bon. C'est simplement que d'habitude, en fait, il vaut mieux que ça, Nolan. Les autres auraient pas pu le réaliser. Lui, un autre réalisateur aurait pu faire Oppenheimer. C'est notre vision. Il a pas amené le. Il sort de sa. Je trouve que il sort de sa zone de confort parce qu'il nous fait pas. Il nous fait pas un film à concept. Et je trouve qu'avec avec quand même parce que tu racontes aux gens, ouais, bon, c'est la vie d'Oppenheimer, bon, c'est le père de la bombe atomique. Alors il y a une espèce de procès parce que c'est un mec qui veut être sénateur et puis du coup il lui en veut, il lui a mis des pots de banane et puis il essaie d'avoir sa peau et puis et franchement sur le papier, mais tu te dis, mais je vais pas voir ce film, ça va être chiant. Et quand tu le vois, alors au début tu te dis, où est-ce que j'ai foutu les pieds, je vais me faire chier. Et finalement je trouve qu'il arrive. Ça aurait pas été Nolan, ça aurait été ma recommandation, j'en suis sûr, en disant, t'as, j'ai vu un film, franchement... Mais quelqu'un l'aurait pas fait pareil. Est-ce que t'aurais été le voir ? Oui, parce que je vais quand même voir pas mal de films, alors après, peut-être que... Mais celui-là, il m'aurait intéressé, celui-là. Je pense même. Que c'est le meilleur des Nolan, celui-là. Moi, je serais pas allé le voir. Si c'est le meilleur des Nolan. Non. Le meilleur en partant de la fin. En fait, je pense que tu es déçu. Je pense que déçu parce que t'as... Moi, je veux voir du cinéma, j'ai vu un biopic. Non, il t'a emmené vers des émotions, mais il t'a pas emmené vers les mêmes émotions que qu'il t'a emmené zéro d'habitude. Émotion. Et comme il est sorti de sa zone zéro de confort, émotion. Des émotions qu'il veut apparaître, je pense que t'as été déstabilisé parce que tu voulais ta petite émotion, je sais pas, si, l'Interstellar. Pierre, il y a une émotion, c'est quand il fait le discours devant le public et qu'il voit en même temps les images des effets de la bombe atomique. Celle-là, j'ai trouvé que c'était une scène qui était réussie. Donc Arnaud, on peut dire qu'à la sortie de la séance, tu irradiais de bonheur. Elle n'était pas préparée, celle-là. Ça fait 10 minutes qu'il prépare tous les blagues qu'il peut. Je me suis même pas levé pour aller pisser, hein. Souvent je me lève. Ma prostate a tenu, donc. Il y a les films à prostate aussi. Non, mais t'as fait un phrase avec un début, un milieu et une fin. T'as vu ? Et la fin de la phrase correspondait au début de ta phrase. Ouais, donc ouais. On sent que t'es investi. Là, moi, t'as parlé avec tes tripes. Là. J'ai eu la boucle et. Et on voit que tu l'as pas lu sur Wikipédia pour une fois. Non. Et j'y suis allé franchement. Bon, j'y suis plus allé pour la clim, hein, 3 heures de clim un dimanche après. Alors que nous, on y a été dans des conditions catastrophiques. Pas de clim. Vous étiez à quel endroit ? C'était quoi le pâté Chavant. Pâté, mais faut pas chercher. Degrés, mais, salle pleine, mais la fille pas, à côté de mais nous. Mais pas chercher. Qu'on peut plus, en VO quand même, tu l'as vu en VO ? En VO. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps que j'ai été obligé de lire presque tous les sous-titres, tellement ça parlait vite et j'arrivais pas à essayer de comprendre. Ah oui, au fait. Et j'ai lu. L'origine du mal, vous l'avez vu en VO ou en VF ? En VF. En VF, t'as ça. Oui, c'était sa blague de 22h. Mais oui. D'ailleurs, problème, parce que film en VF comme ça, t'as pas de sous-titres. Et moi, je t'avoue que mettre le son moins fort, vu qu'il y a les enfants qui dorment, et regarder si, les sous-titres. Et avoir le texte en mais front, t'as les sous-titres. Bah, j'ai pas de sous-titres. Moi. Bah, j'ai pas. J'activais pas les sous-titres sur ce film. Ah. J'ai regardé. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié en de dire. En audio-description. Je l'ai regardé sur Prime. Non, j'ai regardé sur Prime, j'avais pas de sous-titres. Et par contre, dans Prime, t'as des petites infos, là, t'as les acteurs avec leur nom des personnages. Et moi j'étais spoilé parce que le nom du personnage de Lorca Lamy c'était Nathalie et tout le monde l'appelait Stéphane et je comprenais pas. Ah mais Pierre, Pierre c'est Colombo, il s'est vraiment voir le film, il a déjà. J'ai oublié d'en parler. Pierre, il a déjà. Mais non mais c'est sur le téléphone, tu l'as quand tu regardes le film, t'as les infos, t'as les trucs sur Prime. Vois, c'est pour ça qu'il aime Nolan. Lui il aurait voulu qu'à la fin d'Oppenheimer, Oppenheimer c'était pas le mec que tu voyais depuis 3 heures. Ça, ça aurait été du Nolan. Mais c'est Peaky Blinder, c'est pas. Bon, enfin, sur ces bonnes paroles, voilà. C'est l'homme mystère. C'est le... en... Non, pas les mystères, le... Comment c'est... L'homme épouvantail. L'épouvantail, c'est on l'épouvantail. Aurait, on aura parlé de pas mal de je choses. Je pense que ce plutôt, soir... plutôt que de retourner voir Mission Impossible qui va rien t'apporter, retourne voir Oppenheimer. Non, et pense à tout ce que. Je vais voir s'il n'y a pas une scène sous la douche avec Tenet, mais ça me fait chier, il n'y a, de... a pas de douche dans Tenet. Bon, et ben sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter des bonnes vacances. Parce que, parce que c'est l'été. Bon, et ben en tout cas, bel été, à bientôt. Et soyez forts et trouvez une nouvelle façon de choisir nos films parce que Pierre en a fait la demande solennelle. Asteroid City, tu l'as vu? Non. Allez, à bientôt, salut. Allez, à bonne bientôt, soirée. Bye bye. Salut.